Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici réunis après une longue absence pour un huitième épisode du BGS, de la saison 2 d'ailleurs. Premier de la saison 2 peut-être. Huitième épisode en tout et Oui. premier de la saison 2. Si tu veux être précis, neuvième, mais je vais arrêter de faire mon chien. Alors, nous avons autour de la table, à tout seigneur, tout honneur, moi-même, Chauve. Ensuite, nous avons Kirby. Bonsoir. Stetson. Bonsoir. Et un petit nouveau, Newton. Bonsoir. Ah, qui essaye de faire une voix suave. Avec sa voix suave. Je ne sais pas si ta voix suave sera très bien retransmise. Ouais, c'était un peu bas. Alors, on le frappera, ça ira bien. Saison 2, donc. Pourquoi saison 2? Ouh, pourquoi? Pourquoi, les amis? Pourquoi? Dites-moi pourquoi saison 2? Pourquoi nouveauté? Pourquoi? Nous vous écoutons, Ah, c'est moi qui ai ce qui est la science infuse, qui suis l'intelligent du groupe, c'est ça? Saison 2, simplement parce qu'on a, on a eu beaucoup, à l'écoute de vos critiques. Voilà, on a eu beaucoup de retours critiques sur la durée du podcast, la longueur et l'aspect un peu privé de joke que prenait enfin, délire entre potes. Et on s'est dit qu'on allait un peu recentrer tout ça et faire un podcast vraiment axé débat où vous pourrez nous suivre et vous pourrez d'ailleurs débattre avec nous par après dans les commentaires, on l'espère. Et voilà, quelque chose d'un peu plus construit et d'un peu plus précis, concis et surtout qui dure moins longtemps. Ouais. Ça, c'était la grosse critique, donc je crois que ça peut être pas mal que ça dure un tout petit peu moins longtemps. On va essayer de se maîtriser. Au programme du jour, Chauve, tu nous résumes? D'abord les news. Voilà, on va commencer par quelques petites news. Chacun d'entre nous présentera une petite news qui l'a marquée. Voilà. Ensuite, on passe au débat qui a pour titre aujourd'hui de Newton, je te laisse la parole. Otaku Otake. Otaku Otake. Voilà, titre copyright Newton. On parlera donc de nerd, geek, no life, otaku. Voilà, qu'est-ce qui les différencie, Stetson. Qu'est-ce que ça représente exactement. Stetson est à classer dans toutes ces catégories à la fois. Non, non, peut-être pas les otaku. Pas otaku, je pense. Non, le reste, je pense, mais pas otaku. Enfin, on y reviendra dans le débat. Et puis, ben voilà, pour terminer, on fera une petite rubrique de défis. Non, non, pas coup de défi. Coup de Google, c'est fini, chauffe. Tu vois, l'ancienne version. Okay, c'est bon, ça va. Non, non, le petit défi, voir si Stetson a rempli son défi de la dernière émission et peut en proposer un à Lund. Tu vas souffrir. Merci, merci. Voilà, bah donc, c'est parti alors. Oui, je pense qu'on a tout est dit, donc on peut passer au new. On va passer aux news. Alors les news, c'est un petit peu pour, c'est un petit peu ce qui nous remplace notre rubrique en vrac qu'on avait avant. Donc c'est désolé, hein, ils boivent les alcooliques. c'est un petit peu pour vous parler de quelque chose qui nous a intéressé ou pas intéressé. Hein, ça peut être négatif aussi. Tout à fait. Quelque chose qui nous a marqué. Qui nous a marqué récemment. Donc ça peut être n'importe quel élément de culture ou bien ou pas culture. Ou non culture. Ou non culture, ça peut le faire aussi. Comme geek, par exemple. Et donc, le premier à nous présenter sa news aujourd'hui est Chauve. Ah, c'est vraiment moi, en fait. Bon, alors, de mon côté, deux petits teasers que j'ai vus cette semaine. Premièrement, une petite vidéo de présentation de la saison 2 de... Putain, ça s'appelle Walking Dead. J'ai le temps, hein. Je paume le nom à chaque fois. Une petite vidéo, une minute qui n'apprend rien, qui n'augure de rien non plus. Visiblement, il y aura de des zombies, plus en plus. Oui, il y aura des zombies, il y aura de plus en plus d'informations à la Comic-Con maintenant. De San Diego qui doit commencer aujourd'hui, je pense. Apparemment, ils ont prévu de diffuser plus de contenu. Donc voilà, saison 2. Après une saison 1 qui était pas... Qui était en demi-teinte. Top. Oui, et quand as-tu... Ben, qu'en attends-tu que... Vous allez sur Allociné, vous regardez le teaser, vous verrez qu'on n'apprend rien. Bref, j'attends de mon côté une grosse... grosse amélioration. De la série, puisque la première saison se terminait sur une scène un peu hollywoodienne, un épisode un peu hollywoodien avec l'espèce de complexe militaro-scientifique qui pétait dans tous les sens. Dans mes souvenirs, c'était absolument pas dans le comic. Non. Les trois derniers épisodes sont ouais, dérivés du comics. Ouais. Par contre, j'aimerais bien, je ne sais pas si ça arrivera, mais les épisodes du ranch et surtout de la prison qui peuvent être très très bien. De la prison, ça peut être terrible. Donner vraiment quelque chose de bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? À voir. Une question. On verra. Donc apparemment, quand le podcast sera monté et diffusé, vous en saurez déjà un peu plus. Ok, alors... Deuxième news, encore un teaser. Tu fais d'abord la deuxième ou on donne notre avis sur la première d'abord? J'ai pas vu le teaser, moi, donc... Ouais, bah, moi non plus, mais vu ce que j'ai vu de la première saison, j'attends pas vraiment avec impatience la deuxième, en fait. Même si changement de scénariste oblige, ce sera peut-être... Pas de changement de scénariste. Bah, ils ont viré les scénaristes. Ils ont viré le pôle de scénariste et ils ont... Mais le showrunner qui était fort impliqué reste. Ça reste à la même base, mais je veux dire, il y a quand même un renouvellement du pôle de scénariste qui peut-être apporter quelque chose. Je suis pas sûr parce que. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais ils voulaient travailler plus avec un groupe de scénaristes, ils voulaient juste employer des scénaristes freelance qui écriraient les épisodes. C'est très rare qu'une série fonctionne comme ça. Donc à voir. C'est déjà compliqué vu que le casting, moi, je le trouve pas exceptionnel. L'acteur principal. Ça va. Le problème, c'est la fille. Oui, la doctrice. C'est Madame Sarah Palin. Sarah Palin, moi. Voilà, c'est le problème. Elle est une mauvaise actrice, donc ça n'ira jamais. Et l'acteur principal, pas de mauvais, mais il ne correspond pas du tout à l'image que je m'en fais. Et le problème quand tu lis un truc et qu'après tu regardes une série, un comics ou encore plus un comics parce que tu as une image, c'est qu'après tu peux vite être déçu de ce que tu vois parce que ça ne correspond pas à l'idée que tu t'en faisais. Quoi. Ouais. Donc, bah, bref, moi les trois derniers de la première saison m'ont un peu déçu, donc j'attends pas spécialement la deuxième. Voilà, je ne sais pas si... Les autres. Moi j'attends parce que il y a quand même des côtés positifs, c'est qu'il y a quand même un potentiel. Voilà, deux trois premiers épisodes. Mais comme il dit, ça parle de commence à partir, admettons la prison, là je crois que qu'ils ont parlé de faire quand même un peu de se rapprocher un peu plus du comic. Je vois pas comment ils pourraient l'éviter, ça prend quand même de la place. Mais quand tu vois que sur les 6 premiers épisodes, ils ont traité un comics, ils ont entamé le deuxième. Le premier, je pense. Je crois qu'il n'y a que le premier. Les deux premiers. Ah, bref, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur 6 épisodes, une saison pour ne faire entre guillemets que ça, tu dis qu'avant d'arriver à la prison, qui est quand même au 4e, si je ne me trompe pas, encore un peu de temps. Ouais. Donc, je pense qu'en saison 2, il y aura 12 ou 13 épisodes et plus du tout. 13, il me semble. Ouais, je crois que c'est 13. Pas à voir. Voilà, ouais. Je verrai ce que ça dit, les critiques de retour, et si elles sont positives et qu'on parle un peu de. Je regarderai. Alors, un autre teaser que j'ai vu aussi, ça va vous faire encore. Pas plaisir, mais je sais que vous adorez cette série. Donc, encore plus court le teaser, 16 secondes exactement, de la nouvelle saison de Spartacus. Ah non. Il s'appelle Spartacus Vengeance, avec un nouvel acteur. C'est le merde. L'acteur principal a fait une rechute de son cancer, je pense, donc il a été remplacé par un nouveau, visiblement d'après les premières photos, tout en muscle, tout en regard d'acier. Bah oui, Spartacus quoi. Franchement, sur les 15 secondes qu'a duré le teaser, on peut déjà retrouver le même ton que ce qu'on voyait avant. Donc, une grosse voix. De macho. Ouais, du gros rock bien lourd. En 15 secondes, ça dit déjà tout. Donc, ce que j'attends, toujours la même chose. Des gars en jupette. Spartacus, c'est une série pour homosexuels. Violence à poison, des flots d'hémoglobine qui coulent et du cul. Ouais, donc c'est ce que je dis, c'est une série pour homosexuels. Des mecs en jupe qui se battent dans une arène et qui. Où il y a du cul, pour moi, c'est une série d'homosexuels. Oui, peut-être. Non. Peut-être. Mais moi, je sais très bien que c'est kitsch. Mais j'assume complètement mon statut de fan de Spartacus, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, je suppose que... Enfin non, je sais que vous n'aimez pas, je suppose que vous ne ferez même pas l'effort de regarder le premier épisode. Étant donné que j'ai pas regardé la première saison, j'ai regardé deux épisodes et puis j'ai lâché. Ouais, mais t'as regardé et en plus, moi j'ai refait l'effort pour Blood and Sand, c'était il ça. Il le... court. Hein. Moi j'ai regardé juste un épisode, ça m'a énervé. Je crois qu'on avait 6 ou 7. J'ai quand même tenu jusqu'au deuxième. Le non, mais non. J'avais regardé le deux épisodes de Spartacus et puis j'ai réessayé Blood and Sand. Blood and Sand, j'ai regardé deux épisodes, donc j'ai quand même été jusqu'au deuxième en me disant bon, peut-être que le premier est pourri, que le deuxième ça passera. Mais non, c'est très bien. Quand j'ai vu le deuxième, j'ai arrêté et dit stop. Non, on a juste bon goût. Mais c'est pas grave. Non, vous n'y pensez pas. Merci, Stetson. Bref. Donc, deux news pour des séries de merde, si on résume. Bah, non, okay. Walking Dead, n'exagérons pas. C'est parce que Walking Dead, on a lu le comic et ça aide vraiment pas à faire un avis positif. Mais pour quelqu'un qui n'a pas lu, c'était quand même pas atroce. Hein. Parce que j'ai quand même entendu, petit aparté, j'ai quand même entendu pour Game of Thrones des gens qui avaient lu le roman avant et qui étaient déçus. Mais alors que franchement, pour être déçu d'une série pareille, il faut quand même le vouloir. Mais bon, c'est pas le débat. J'ai vu qu'un seul épisode de celle-là, donc c'est pas le sujet. On en parlera peut-être on dans un prochain. Donc voilà. Tu t'arrêtes ici. Deux séries de merde, non, je suis pas d'accord. C'est une excellente série. Moi qui restera dans les annales. Si on passait à la news suivante. Oui, allez, la news suivante. Parce que je pense que ça. Kerbin, t'écoutes. À qui le tour? Comme tu veux faire. Allez, je vais le faire alors. De toute façon, je vais parler d'un sujet qui n'intéresse déjà pas Chauve et je pense pas Newton non plus. Donc, à mon avis, le seul à qui je vais discuter est à ma droite et son nom Stetson. Modérez-vous dans le temps. Hein. Oui, tout à fait. Bah, tu n'es pas spécialement modéré, même si je sais pas combien tu es, mais c'est pas grave. Donc, je vais parler simplement de Google+. Ah putain. J'ai fait un épisode de Télécom exploratrice. Je sais, j'en reparlerai dimanche dans Télécom avec mes chroniqueurs. Désolé, mais pour moi, c'est la news un peu du moment au niveau internet, high-tech, donc je suis obligé d'en parler. D'autant plus que maintenant, je sais que M. Stetson a. Ouais, mais a j'ai pas beaucoup testé, sincèrement. T'as pas encore beaucoup testé ? Non. Je me suis inscrit, j'ai mis 2-3 personnes dans des groupes. Alors, moi, voilà, je suis. Contrairement à l'épisode de Télécom où j'étais très emballé, là, je suis un peu plus. Enfin, pas mitigé, mais je commence à avoir du mal avec tous ces réseaux sociaux, en fait. De poster d'un côté sur Facebook, puis sur Twitter, puis sur Google+. Ça me sort. Je n'arrive plus à gérer les trois en même temps. Donc, rien t'oblige à poster. Tout à fait. Mais en fait, mais... j'aime bien Google+, dans l'idée, ça a l'air plus propre pour le moment que Facebook qui est devenu complètement... Voilà, c'est ça qu'il y a, c'est que Google+... Rien t'oblige à utiliser les réseaux sociaux. Donc. Oui, mais... À un moment, t'as un petit peu... T'as un petit peu besoin, surtout quand, comme nous, on essaye de développer quelque chose sur Internet et de faire de la promotion par ce biais-là. Dans cette structure-là, oui, mais pas sur le plan personnel. Donc bref, Google+, ce qui m'attire, c'est le côté notamment plus propre, comme tu dis. Donc le fait que ce soit tout nouveau et on peut recommencer sans faire les erreurs de Facebook. Bah, c'est un petit peu comme les snobs de Facebook qui disaient que c'était mieux avant, hein, on l'a tous dit. C'est parce que maintenant il y a tous les kikoulol et que sur Google+, ça reste un public un peu plus geek, donc c'est un public plus restreint, même s'il y a quand même déjà de la masse. Hein. Mais le problème, c'est que je parle déjà à ce public-là sur Twitter. Je trouve que c'est presque plus l'audience de Twitter que l'audience de Facebook. Parce que Twitter, c'est l'audience un peu geek. Je suis d'accord avec toi, que le Facebook, c'est plus la grosse masse. Il y a un côté plus suivre sur Google+. Ils essaient de mélanger les deux, justement. Maintenant, comme tu dis, le système de cercle, par exemple, est très bien pensé. Tu peux mettre tes amis dans des cercles, pour expliquer aux deux zozos en face de moi qui n'ont aucun sens. Tu peux mettre tes amis dans des cercles, contrairement à Facebook, quand tu publies, ça va chez tout le monde. Ou tu peux le régler, mais c'est très compliqué, c'est une foultitude de menus. Tu mets tes amis dans un cercle, et quand tu publies quelque chose, tu peux sélectionner seulement un cercle si tu as envie, par exemple. Et ça se fait en un seul clic, c'est très pratique. Franchement, c'est ça a un côté beaucoup plus restreint, beaucoup plus... Puis bon, il n'y a pas encore énormément de monde dessus. Enfin, ils ont passé les 20 millions quand même. Mais comparé à Facebook, qui approche des 700 millions, je ne sais plus. Ouais. Je crois que c'est 700. Même ils ont dépassé 700, il me semble. Ça approche des 800. Je pense au truc du style. Enfin, voilà, c'est pas très important. Évidemment, c'est un public beaucoup plus restreint, beaucoup plus ciblé. Mais je trouve vraiment que c'est plus comparé à Twitter qu'à Facebook. Twitter n'a pas de côté. On peut pas voir des images, les profils et tout ça, mais... Moi, ce que je compare à Twitter, c'est dans le truc, comme tu dis, suivi. Tu peux suivre quelqu'un sans que cette personne te suive. Ouais. Sur Facebook, il doit t'accepter comme ami et inversement. Donc, tu es obligé de suivre l'un l'autre. Là, tu peux suivre quelqu'un et avoir ses mises à jour sans que lui ait les tiennes. Donc ça, c'est le côté qui se rapproche plus de Twitter. Maintenant, ils ont quand même un côté Facebook, hein. Oui, il y a un côté Facebook, mais rien je trouve que l'interface, par exemple, les gens l'utilisent plus pour le côté Twitter, de poster des news, pour le moment, poster parce plus que ça comme reste, Twitter. Mais si les geeks peuvent bien amener le grand public là-dessus, ça prendra un côté plus Facebook. D'ailleurs, ils vont y penser, intégrer des jeux, il y a le système c'est de aussi de ce menu, que je reproche. De... Enfin, c'est ce que je reproche à Facebook, c'est que c'est devenu trop. Il y a trop de trucs, quoi. Facebook, tu dis hyper, t'as des gens qui tu vois apparaître tout le temps des mises à jour de jeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pénible, c'est abominable. Donc bref, voilà, j'ai même testé le chat vidéo. J'ai fait avec ça à 4 personnes et c'est génial. Franchement, même si Facebook a intégré maintenant Skype, il n'y a rien à comparer, quoi. C'est d'une facilité, tu cliques là-dessus pour dire créer le chat. Tu invites quelques personnes comme tu ferais sur Skype simplement avec un bouton inviter, tu sélectionnes le contact. Il vient se greffer avec sa vidéo aussi s'il veut et ça tourne super Nickel. fluide. Franchement. Et il voit en fait ta vidéo en grand avec en dessous leur vidéo Leur à vidéo, eux. ouais. Et Comme sur Skype, quoi. on peut faire un système où quand quelqu'un parle, il vient en plein écran. Ah ouais. Enfin, en plein écran, en grande En icône en fait. grand. Il vient se mettre Ça, j'ai en pas avant. testé du tout. Et ça, c'est génial. Même ne fût-ce que pour les podcasts. Donc voilà, bref, Google Plus, c'était ma news. Voilà, bon, je suis très emballé, j'aime beaucoup. Mais je commence à me demander si je vais réussir à J'ai jongler avec les l'impression trois. qu'ils en ont rien à Non, foutre, si, ça mais. m'intéresse, moi. Ben, c'est normal, c'est peut-être Ça quelque chose d'un peu plus m'intéresse. tech, parce que je sais que ces deux-là ne sont pas tech, mais voilà, j'avais envie Moi, d'en je suis parler. pas. Non, je suis pas tech, non, je pense que. Donc, ben, Chauve, ton avis sur Google Plus, pour le moment, non. Tu ne comptes pas l'utiliser. Non. Facebook, tu n'utilises plus non plus, en fait. J'utilise Facebook. Pas personnellement, mais parce que je suis obligé de le faire pour un certain nombre de choses. Mais si j'avais la possibilité de ne pas l'utiliser, je n'utiliserais pas. Bon, pour moi, Donc, c'est des outils de communication. Pour moi, c'est voilà, juste ça. Je l'utilise dans ce sens-là. ma classe communique entre elles par Facebook. Donc, il y a plein d'infos que si je veux les avoir, je n'ai pas le choix. C'est devenu le problème Donc, actuel voilà. de Facebook. Tu dois y aller parce que tu n'as pas le choix pour certaines choses parfois. C'est vrai que si je pouvais me passer, honnêtement, là je vais Elles être sont un peu déjà plus direct. intéressantes que Facebook, en tout cas. J'hésite pour le moment parce que voilà, Mais Facebook a parce que quand même. ça a le côté toujours un peu snob d'être élitiste. C'est pas dit qu'il gardera ce côté intéressant Voilà. quand il Tu as sera à la déjà même vu, taille je ne que sais pas si tu as Facebook. vu la news, mais la courbe est déjà en train de redescendre. Au début, ça a été le phénomène nouveauté. Il y a eu Toujours. plein d'inscrits et maintenant la courbe est déjà en train de redescendre au niveau des inscrits. Mais Donc c'est vrai voilà. que c'est toujours en démo ou en Mais tu bêta, sais, Gmail, c'est toujours en bêta. Hein. Ah. Non, ils ont fini la Ils ont bêta. fait, ouais, enfin, Il n'y a pas ils ont longtemps, mis mais. genre 10 ans à la finir, quoi. Mais comment. Oui, voilà, je voulais dire, si je dois vraiment choisir un jour, mais que je ne voudrais pas avoir à le faire parce que Facebook a encore plus de choses et beaucoup plus de monde, donc tu touches plus de monde, évidemment. Mais si je devais choisir, je pense honnêtement, je prendrais Twitter et Google Plus et que je virerais Facebook. Pour le moment, voilà, c'est mon dada, c'est Google Plus. Mais je me demande si à terme, ça va réellement prendre et si y aura réellement du monde dessus, quoi. Bah, Newton, t'as un commentaire particulier? Tu n'es pas utilisateur Google Plus. Bah, je suis un peu bourré avec l'alcool que j'ai bu. Déjà, tu as bu deux amaretto, t'es déjà. Non, mais j'ai une résistance à l'alcool qui est assez faible. Ah oui, on voit ça. Enfin, ça ne m'empêche pas d'apprécier voilà, les commentaires sur Google Plus. Moi, bon, je suis plutôt un utilisateur Facebook. Ça, j'ai remarqué. Voilà. Donc, mais je trouve ça intéressant réellement. Mais, moi je dis c'est à essayer, il faut le tester une fois pour voir ce que ça dit. Le problème des gens qui vont le tester, qui ne sont pas, je vais dire, dans un milieu un peu geek, c'est qu'ils ne trouveront personne à ajouter comparé à Facebook. Ouais. Ils ne trouveront pas grand monde, tu vois. Tu vas pas trouver ta famille, Si tes tu t'inscris et amis. que tu dis bon, il n'y a personne, ben, tu ne reviens pas. C'est ça le défaut. Hein. C'est le problème de toute façon d'un réseau social. Alors, L'avantage c'est que c'est bien intégré à Gmail, donc. Ouais, il y a des avantages. Ça fonctionne aussi avec les noms et prénoms ou Oui, c'est bah, tu peux comme Ouais. Facebook, tu remplis un profil sur Google Profile, simplement tu remplis ton profil et à partir de là, bah, tu peux le lier à tous les services Google que tu utilises déjà. T'as une adresse Gmail, ça se lie automatiquement. T'as, bah, je sais pas, n'importe quel Je crois service. qu'il y a des Plus, moyens de partager des documents, non? Ça, c'est pratique. Oui, voilà, Google Doc, Google, Moi, tout, j'utilise tout est beaucoup Google intégré Doc. au service Google, quoi. Enfin, voilà, j'ai Et déjà juste. fait assez de temps, je vais peut-être. Une petite note, je trouve vraiment que l'interface est bien propre pour le moment. Peut-être faudra voir quand elle va. C'est beau, hein. Ouais, Les cercles, c'est beau. c'est J'aime bien très. les cercles, ils sont, je trouve ça C'est magnifique, quoi. épuré. De mettre des ronds comme ça avec les têtes des personnes. Dans, enfin bon, Ouais. ça, c'est mon goût personnel. Mais c'est du Google, quoi. C'est épuré, c'est propre, c'est beau, c'est clean. Voilà, j'ai fait assez de temps. On va peut-être embrayer sur la dernière news de Netson. Bon, ce sera plus court. C'est pour dire que la quatrième saison de Breaking Bad, une de mes séries favorites. Donc, Excellente série. Je pense Tout à que fait. tous les deux vont être d'accord, peut-être pas Newton qui ne connaît pas. Il connaît pas. Tu ne connais pas Breaking Bad? Le fouet! Bon, donc je vais pas. À l'échafaud! Je pense que la Au plupart. bûcher! On a déjà parlé de Breaking Bad, hein, je pense. Je crois qu'on en avait parlé, oui. Donc, le Bah. premier épisode de la saison 4, sans trop spoiler, il y avait à la fin de la saison 3 un, on voyait, que je n'ai pas vu, mais vas-y, balance quand même. Voilà, je suis sur Google Plus. Vous n'avez pas. On s'en fout. Je peux spoiler la fin de la saison 3. Mais moi, je ne l'ai pas vu, mais tu peux spoiler. T'es dessus ouais. Kirby, t'es dessus. Allez, chauffe, s'il te plaît. Tu as vu la fin de la saison 3? Oui. Donc, on voit Jesse qui tire sur. Merde, je l'ai pas vu. Le chimiste qui aide Walter. Et on voit pas ce qui se passe après. Enfin, non. On se doute. Bah, le début de la saison 4. Répond à la question. C'est ça? Bah, répond à la question et voit ce qui les répercussions de cet événement. Je vais me boucher les oreilles. Les oreilles. C'était dimanche dernier. Ouais. Mais il a eu par un cousin américain qui lui a envoyé une Betamax. C'est compliqué. J'ai toujours un lecteur de Betamax. C'est ultra fort. Betamax HD. C'est super. Vrai, ça hein? Wow. Bah donc type dans l'esprit typique de Breaking Bad avec des lenteurs qui permettent de vraiment mettre une ambiance excellente qui plaît pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'est la force de la série de pouvoir être lent et de pouvoir faire peser l'ambiance. C'est une série qui se permet des lenteurs et des scènes de silence et ça c'est assez impressionnant, surtout avec le personnage de Gus. T'as quand même vu la saison 3? Oui, qui est vraiment très silencieux et il fait peur dans son calme et sa manière d'être. C'est vrai que c'est assez épatant parce que c'est une des rares, à l'heure actuelle où c'est tout musique, son à outrance. Oui, ça peut vraiment être. Une série qui se permet comme ça des longs moments de silence, c'est rare. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans l'épisode parce qu'il est vraiment sorti il n'y a pas longtemps, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai un petit reproche à faire, c'est qu'on voit quelque chose qui va se passer assez vite dans le début de l'épisode, mais c'était un peu obligé. Bon, je sais pas si ça a comparé parce que je l'ai pas vu, mais le début de la saison 1, tu vois aussi quelque chose qui va se passer. Tu le vois. Ouais, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans quelque chose. On voit pas quelque chose qui va se passer, mais la manière dont est raconté l'épisode, on sent que. Ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Ok, dans ce sens-là, oui, d'accord. Mais voilà. Mais je suis très positif sur cette série. M'a toujours pas déçu. Ouais, je crois que on sera presque tous d'accord autour de cette table, sauf un qui ne l'a pas vu. Si, je l'ai vu. Donc, tu veux nous parler de quelque chose? Mais c'est une série qu'on adore, voilà. Bah, disons, moi je pensais notamment à Tintin, le nouveau Tintin de Spielberg. Fait à ton aise. Bien, on avait déjà discuté avec Kirby, on est un peu méfiant. Moi je suis pas méfiant, je suis contre. Ouais. Mais bon, toi t'es un intégriste aussi. Hein. Taliban. C'est toi le Taliban. Disons que, bon, moi, j'ai regardé hier, ils en parlaient au JT, hein, notamment de Brigotte qui disait « Oui, Hugues Daillet, son journaliste cinéma, a eu l'occasion d'être parmi les privilégiés à aller voir à Paris. » Mais à partir du moment où c'est du Spielberg, on te vend ça comme si c'était... Voilà, bon, visiblement, c'est comme ça qu'eux l'ont vécu. Enfin, en tout cas, bon, apparemment, ils n'ont pu assister qu'à 8 minutes de projection. Il y avait une centaine de journalistes, je crois, qui étaient là. Et bon, les extraits sont, je sais pas, on dit que Spielberg a voulu conserver vraiment l'âme de la BD, mais j'ai pas, en même temps, nous étant belges, ayant été, on a été nourris un peu par ça, je pense qu'on a, voilà, on a une, enfin, on a une sensibilité par rapport à ça, mais en même temps, l'âme de la BD, ça me fait rire, mais quand on voit comment est gérée la société Moulinsart, par c'est Nick, comment encore lui? Le mari de Madame Hergé, Nick, je retomberai dessus, je le noterai après. Quand on voit comment c'est géré et que c'est lui qui s'est occupé des transactions avec Spielberg au sujet des droits, on se permet de douter. Même si Spielberg dit être un grand fan de Tintin, ce que je veux bien croire. Ce qui est probablement vrai, sinon il ne le ferait pas. Voilà. Oui, oui. Mais on peut se douter de la fidélité de l'œuvre quand on voit ce qu'il fait avec les produits dérivés. Quoi. Mmh. On voyait une interview de lui qui racontait comment il avait découvert la BD. Il disait, De Spielberg? Ouais, Spielberg qui racontait. Nick Rodwell, merci. Ouais, ok. Excusez-moi. Il disait oui, j'ai reçu les BD en français, je ne comprenais pas le français, mais je regardais les cases les unes après les autres et j'ai vraiment accroché et tout. Et... Il a dû lire Tintin au Congo pour comprendre d'après les cases, il a dû dire que. Bah, toujours est-il que ce qu'on a pu en voir, du moins ce qu'ils ont accepté de nous en montrer, bon. Reste quand même dans la tradition hollywoodienne avec les, je sais pas, cette musique omniprésente, la dramatisation à outrance, enfin je, ouais. Je ne correspond pas à la ligne claire qu'il y avait à l'époque de Tintin. J'ai l'impression que les dessins animés seront plus fidèles que oui, je pense aussi. Que le film, surtout que c'est une espèce de fausse 3D avec des vrais visages, un peu à la Pôle Express. Mm-hmm. Je ne sais pas si quelqu'un ici a vu le Pôle Express. Non. Mais c'est ce style où on prend des acteurs qu'on modélise par ordinateur pour en faire des personnages un peu plus cartoon, en fait. Mm-hmm. Et donc, on a une espèce de mélange de visages mi-réel, mi-virtuel sur des corps en cel-shading. Enfin, c'est un petit peu spécial. Oui, merci Peter Jackson. Mais moi, je n'adhère pas tellement à cette technique-là. Et je trouve que ça ne retranscrit pas bien l'esprit très, très clair et très épuré de Tintin. Ça sort en octobre. Bah, à voir, quoi. Ouais. Ah, voilà. Peut-être, hein, peut-être qu'on sera agréablement surpris. Déjà en octobre. Oui, en même temps, il s'attaque aux meilleurs albums de Tintin, selon moi. Hein. Secret de la licorne. Secret de la licorne, oui. Rackham le Rouge. Le trésor de Rackham le Rouge. Mais Secret de la licorne est le meilleur. Ah, les deux sont... Ouais. Bah, bon, moi, c'est celui que je préfère. Enfin, bon. C'est vrai que je l'ai lise. Ça me donne envie de lire. J'ai lu il n'y a pas longtemps. On s'arrangera. Si vous voulez, ils sont là derrière moi. Ah, bah, on s'arrangera. Bon, ben voilà, je crois que... On a fini pour les news. Hein. Donc, on va passer au débat. Oh, gros débat. Le titre du débat. Ah oui, on va peut-être préciser le titre quand même. On l'a déjà dit tantôt, mais... Vas-y, Newton, fais-le le titre. Otaku. Bon, on va entrer dans le vif du sujet maintenant, le gros débat. Avant que les Allemands arrivent. Ah, gros débat. Gros débat, mademoiselle. Barbare, gros débat. Donc, bon, soit. On va entrer dans le vif du sujet, donc le gros débat. Et de qui? C'est là que j'ai fait plein de fois. Dont Newton, Rémi Newton a trouvé le titre. Otaku, otake. J'ai la troisième fois. Tu le faisais quand même mieux. Otaku. Au taquet. Voilà, avec ta voix sensuelle de radio. Donc voilà, donc, ben, le débat va simplement porter. On a mis Otaku au taquet, c'est la petite référence à ton mémoire dont on parlera. Mais le débat porte sur tous ces termes: geek, otaku, nerd, no life, chauve, Stetson, si vous voulez. Ikikomori. Qui. Merci. Qui. Savoir un petit peu simplement présenter aux gens ce que ça représente, essayer de voir un petit peu à l'heure actuelle exactement ce que ça représente, si c'est un côté hype, par exemple pour geek on dit que c'est un côté hype, si c'est un côté toujours péjoratif, chez certaines personnes en tout cas c'est le cas, enfin, vraiment avoir une sorte de définition de ce que c'est un geek, ce que c'est un otaku, ce que c'est un nerd, ce que c'est un no-life. Donc juste pour la petite histoire avant de commencer, je vais quand même préciser qu'on a décidé ce sujet-là parce qu'on a fait avec notre ami Newton un petit reportage, un documentaire qui devrait être diffusé sur Bipod. Je prie modique, on vous rassure. Non, non, gratuitement. Mais je vais peut-être pas annoncer de date maintenant parce que. On y travaille. Hein, sur quelque chose de. Hein, sur un terrain glissant. Mais on était donc. On s'est rendu à la Japan Expo Comic Con à Paris et on a tourné un petit documentaire en interrogeant des gens qui sont justement les mieux placés pour répondre, les geeks, les otaku. Pour essayer un peu de décrypter justement tous ces termes et de savoir ce que ça représente. Alors, j'avais envie pour commencer le débat de laisser justement la parole à mon ami Newton. N'est-ce pas? Très bien. Qui a un petit peu, par son reportage, découvert, qui s'est plongé dans le sujet, je vais dire, et qui, à la base, ne savait peut-être pas ce que ça représentait exactement, quelles étaient les différences entre les geeks, les no-life. Est-ce que maintenant, tu as un petit éclairage à apporter? Est-ce que tu as un point de vue sur la question? Bien, disons oui, on peut dire ça. Bon, disons que le domaine geek, je connais un peu moins, c'est assez spécialisé, enfin, ça concerne plus les séries, ce genre de choses. Mon mémoire, en fait, portait essentiellement sur les otaku et surtout sur la différence qui existe entre les otaku en France, tels qu'on a pu en rencontrer, et les otaku au Japon. Tels qu'on n'a pas pu les voir, évidemment. On a regardé un peu les prix d'avion, mais... C'est un petit peu cher. Donc, voilà. Oui, bah, quelle est la différence, alors? Bien, voilà, j'ai une petite feuille ici, un aide-mémoire, parce que j'ai la mémoire courte. Disons que, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un spécialiste en la matière, Étienne Barral, pour ne pas le citer, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Otaku, les enfants du virtuel. Et donc, c'est un Français qui vit au Japon, donc il a pu rencontrer comme ça des personnes aussi bien en France qu'au Japon et mesurer la différence qui existe notamment entre otaku tel qu'on l'entend en France ou au Japon. Donc voilà, moi ce que j'ai retiré un peu de tout ça, c'est qu'il existe effectivement une très grande différence déjà d'une part liée à la culture et à l'histoire de chaque pays, Voilà, par exemple, en France, quand on parle d'otaku, essentiellement, ça parle de fans de culture japonaise. Donc de J-culture, J-pop, tout ce qui concerne l'animation. J-sexe. J-sexe aussi, oui, c'est vrai. Les J-vidéo. ya, comment on appelle? Yaoi? Yaoi, ouais. Ouais, bah, voilà, il y a des gens Ce sont qui sont des fans animés de. entre hommes, on va dire. Ah, Des d'accord. répètes? Ah oui, si, je l'ai lu dans ton mémoire. Ouais. Voilà. Ils sont principalement faits par des femmes, non? Oui. Ce sont les femmes. Oui, ça s'adresse aux femmes, en fait. Mais bref, quelle est pour toi alors la différence vraiment Mais disons au sens où que. on entend japonaise, au sens où on entend à l'européenne? Voilà, la différence essentielle, ben on pourrait dire qu'en France, ça n'a pas le côté péjoratif que ça a au Japon. Donc, quand tu dis je suis otaku en France, c'est un peu. Voilà, j'adore les animes, j'adore. J'ai regardé le Club Dorothée quand j'étais petit, et aujourd'hui, voilà, j'ai développé une attirance pour tout ce qui concerne la culture japonaise. Alors qu'au Japon, il y a un fait divers qui a marqué les esprits. Je ne sais pas s'il faut en parler parce que ça va Vas-y, refroidir vas-y, l'ambiance. ne te tracasse pas. Je pense que voilà, c'était non, fin des années 80, je crois, en 88. Il y a, disons que les Japonais ont découvert eux-mêmes enfin, comment on appelle ça, l'otakisme, les otaku, à travers un personnage très très sombre, Monsieur Miyazaki. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai lu aussi. Ouais. Donc Ceci a trouvé des bonnes femmes. Ceci c'est un voilà, dit de façon crue. Miyazaki aussi un célèbre mangaka, mais ça, bon, Oui, bref, on va. c'est Ce que n'est j'ai pas pensé à le ça. même. Je vais vous dire le nom si vous voulez. Tsutomu. Tsutomi, je pense. Tsutomu. Enfin, je sais pas Voilà. si je le prononce bien. Moi non plus. Moi, c'est Tsutomu. On s'en fout. Ça, bref. Et voilà, donc cette personne a kidnappé quatre jeunes filles âgées entre 4 et 7 ans. Les a tués, C'est chaud! dépecés. Pourquoi on me montre du doigt? Ouais, voilà, on a le coupable ici à notre droite. C'était pas moi. Et 88, j'étais jeune. voilà, donc en fait, ce garçon âgé de 27 ans était en fait apparemment dérangé psychologiquement et fan de culture otaku. Pour Fan de. faire ça, faut être dérangé psychologiquement, je Voilà. pense. Non? Plus c'est pile ton âge, je crois, hein. 4, 7, 4, C'est 4, ma 7 frange, et j'aime 5. bien, j'aime bien. Et donc, ce qui, enfin, la police donc a trouvé sa planque, et dans sa planque, il y avait genre 600 cassettes vidéo, des films d'horreur, et tout ce qui concerne l'attirance pour la culture otaku. Et donc, évidemment, ça a fait la une des médias, et donc. De fait, la population japonaise ayant fait l'association entre Ce les fait divers, crapuleries ouais. commises et l'attirance pour la culture a un peu voilà, fait A fait le lien et a pensé un lien entre les otaku, deux. terme péjoratif, sont tous des Voilà. psychopathes. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas ça en France. Je vais peut-être vous lire la définition de Wikipédia de l'otaku, puisqu'on est sur ce terme-là pour commencer. Otaku est une personne qui consacre la quasi-totalité de son temps à une activité d'intérieur obsessionnelle comme les mangas, animes ou idoles japonaises ou encore jeux vidéo. Le terme japonais est composé de la préposition honorifique o et du substantif taku signifiant maison, demeure ou chez soi. Donc on trouve bien le côté passionné, obsessionnel et enfermé chez soi, vraiment maison, vraiment enfermé chez soi. Donc ben ça c'est pour l'otaku, donc qui est à différencier, je pense, effectivement du côté européen où on considère en France qu'un otaku c'est juste quelqu'un qui aime C'est un bien. geek qui aime bien la Japan, le Justement, j'allais y Japon, quoi. venir, justement. Est-ce que pour moi, l'otaku, aux versions européennes je parle, ça reste un geek. Un geek mais qui a pour passion la Japanimation. Alors Stetson, Enfin, vu que pas tu en juste la parles. Japanimation, mais Oui, mais tout ce qui est tout japonais. ce qui est japonais, quoi. Mais justement, Stetson, puisque tu en parles, est-ce que tu saurais peut-être nous faire, maintenant que tu nous as parlé de l'otaku, une petite définition de ce qu'est un geek pour toi? Un geek. C'est chaud. C'est très chaud. Ça, c'est je crois, le terme le plus vaste, à mon avis, dans ce qu'on cite, selon moi. C'est celui qui englobe le plus de Ouais, choses. bah, c'est quelqu'un qui est passionné par un domaine précis, ça peut être plusieurs domaines, mais crois que c'est c'est devenu tellement vaste qu'on peut juste résumer par passionnel. Oui, Je mais ça ne concerne crois. pas la Japanie, Bah, ça dépend justement. du domaine, on peut pas être un geek du Non, foot, ça par concerne exemple, tout, mais ça tu concerne. pourrais. Oui, mais tu ne serais pas qualifié de geek. Non. Mais techniquement, tu pourrais l'être. Parce qu'au final, tu pourrais, il y a des gens qui se disent geeks de centrales nucléaires, tu vois, et qui vont savoir comment marche une centrale nucléaire. Ils vont pas se dire geek, mais c'est exactement la même réflexion qu'un geek. Est-ce que justement, le fait d'être obsessionnel sur quelque chose comme une centrale nucléaire, qui est quelque chose de plus mathématique, n'approche pas du terme nerd ? Un petit peu, mais ça dépend de comment tu le vois. Le geek va moins dans, enfin pour moi, le geek va moins dans comment marche quelque chose. Que le nerd va plus aller dans la science, mathématiques, science, logique, et chercher à comprendre. Par exemple, des geeks comme nous, un peu technophiles. Comme vous. C'est ce qu'on a dit, comme nous. Oui, je montrais Kirby, mais oui, comme moi et Kirby. On s'intéresse pas spécialement à comment marche exactement un téléphone. Qu'un nerd va peut-être plus. On a des bases, mais... On a des côtés quand même où on s'intéresse. Je sais quand même comment ça marche et je m'intéresse. Oui, on a fait un peu de programmation, donc on a forcément un petit côté nerd, mais on n'est pas... Mais si fait de la programmation, ça m'intéresse pas pour autant. Oui, mais nous, on s'y intéresse justement. On s'intéresse quand même un petit peu à l'envers du décor, à savoir comment ça marche, parce qu'on approfondit un petit peu. Donc vous aspirez à être nerd, en fait. Mais le nerd, pour moi, a quand même un côté plus obsessionnel. Péjoratif. Déjà péjoratif, mais obsessionnel aussi. Il se consacre vraiment à un thème en particulier. Et il va dire que le geek au début aussi. Mais moins de base. Mais il y a tellement de gens qui peuvent se voir définir comme ça maintenant que ça n'est même plus devenu péjoratif, tellement la frange de la population concernée est devenue. Mais le nerd, j'ai l'impression qu'il va plus se concentrer vraiment juste sur un sujet. Moi aussi. Et le geek va, comme moi, je regarde des séries, j'aime bien la technologie. Le geek est passionné, mais de... On prend geek surtout dans le sens, à l'heure actuelle en tout cas, high-tech et pop culture. Ouais. C'est vraiment dans ce sens-là, je trouve. Ouais. Maintenant, on pense geek, on pense des gens qui sont passionnés de pop culture. Donc, que ce soit l'animation d'ailleurs, où on a pris le terme otaku pour essayer de se faire référence au Japon, sans vraiment d'ailleurs savoir ce que ça représente au passage, ou que ce soit des séries américaines, peu importe, et même du high-tech. Mais voilà, c'est quelqu'un de passionné de pop culture high-tech pour moi. C'est un très vaste résumé parce que. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Au final, geek, maintenant, à l'heure actuelle, ça signifie juste passionné. Ouais. Donc, comme tu dis, on peut être passionné de foot. La science-fiction aussi, hein, les geeks. Ça a été fort associé à la science-fiction au départ, oui. Et le MedFan et tout ça. L'Heroic Fantasy. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, MedFan, c'est nouveau ou c'est comme ça? Non, c'est pas nouveau. Medieval Fantastique, quoi. D'ailleurs, pour faire une définition, je vais encore ressortir la définition Wikipédia, histoire de faire un point de base. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Non. Merci Chauve. Le terme geek est un anglicisme désignant un crack, une personne passionnée par un domaine précis. Il s'emploie entre autres dans le domaine de l'informatique ainsi que dans celui de la science-fiction. L'archétype le plus célèbre du geek est celui du jeune ou de l'adolescent féru de sciences maths logiques qui s'intéresse aux nouvelles technologies et aux univers fantastiques, heroic fantasy, science-fiction, comics. Cette passion s'applique concrètement par de nombreuses activités telles le jeu de rôle, le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo ou encore la programmation informatique. Est-ce que vous trouvez que ça représente... Je me suis entre autres basé là-dessus pour préparer un peu le sujet, donc oui, je suis assez d'accord. T'es assez d'accord, Satan ? Ouais, sauf que la programmation, je dirais plus que ça va plus vers le nerd. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que geek, à la base, pour moi, c'est un terme qui est sorti pour l'informatique. C'est des gens passionnés d'informatique à grosses lunettes et à boutons, qui n'avaient pas de copine et qui restaient enfermés chez eux devant l'ordinateur. Pour moi, à la base, on est parti de là. Et ça s'est développé après sur une culture geek. Parce que ces gens-là avaient envie de se passionner pour d'autres choser, jouer à des jeux de rôle, lisaient de la science-fiction, regarder des séries. Donc ça s'est étendu pour moi. Que le nerd reste vraiment un terme où on est bloqué dans on est bloqué dans quelque chose. Quoi. On est bloqué sur un seul et même sujet. Wow. D'ailleurs, ils mettent ici, il y a souvent une confusion entre geek, no life et nerd. Bien que ces confusions soient généralement mal perçues par les geeks eux-mêmes, de même que l'amalgame, merci Chauve, de même un amalgame est souvent fait entre les personnes passionnées de haute technologie et les geeks. Donc voilà, c'est souvent associé aux haute technologie, alors que, enfin, pour moi, c'est plus le cas en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'était pour les geeks. On brosse un portrait rapide, après on discutera un petit peu de tout ça. Maintenant, un nerd. Est-ce que l'un de vous pourrait me faire une définition précise de ce qu'est un nerd ? Selon ce qu'il en pense. Chauve, par exemple, vas-y. Quelqu'un de, même pas passionné, mais de presque obsessionnel sur tout ce qui est... Omnubilé. Omnubilé, si tu veux, oui. Sur tout ce qui est logique, donc mathématiques, sciences, ça englobe la programmation aussi finalement, parce que ça c'est très logique. T'associes ça à la logique, en fait. T'associes ça fort ça à la logique, aux mathématiques, aux... C'est, pour moi, c'est quelqu'un de très carré dans ses intérêts, très... Mmh, ah, oui, c'est ça. Qui laisse pas de place à l'imaginaire, en fait, qui serait plutôt axé logique et c'est fort terre à terre. C'est pas forcément qu'il laisse pas de place à l'imaginaire, parce que je pense qu'il en laisse beaucoup, mais il suffit de voir les nerfs qui s'intéressent à la robotique, qui sont des... Enfin, pas des films, mais... Ouais, quelqu'un qui est là-dedans, et aussi en dehors de ça, il est plus porté science-fiction, futurisme. Donc pour toi, le nerd serait un geek qui serait hardcore sur un thème, en fait, en quelque sorte. Ouais. Plus polarisé, enfin, sur Wiki, il est plus polarisé sur ses centres d'intérêt. Dispersé, on va dire. Moins dispersé, plus spécialisé, très très pointu. Moi, j'ai l'impression que sa passion rejaillit sur les contacts sociaux aussi. C'est que. Que le nerd est tellement. Il est tellement dans son truc. Ouais, il est tellement dans son trip. Il a des cloisons comme ça. Non, No Life social, c'est pas la même chose. No Life, on va discuter justement après, mais c'est vrai que No Life, pour moi, a maintenant, à l'heure actuelle, une connotation un petit peu différente de ce que ça pourrait avoir de la traduction littérale de No Life, en fait. Mais bon, on y reviendra peut-être juste après. C'est pas forcément No Life parce que tu joues à des jeux vidéo. Tout le temps, tu peux être malade pour plein de raisons. Pour ton boulot, par exemple. Plein de raisons. Mais, parfait, Newton, tu avais quelque chose donc, sur le nerd Non, je pense que vraiment le nerd a une... Pour toi, c'est plus péjoratif, en fait. Péjoratif, c'est mal vu. Être nerd, c'est pas un truc dont on va se vanter, dont on va dire « Ouais, je suis nerd et fier de l'être ». Alors que les geeks, on en a croisé pas mal qui étaient fiers d'être geeks, qu'ils revendiquaient. Maintenant, est-ce que... On en verra peut-être après, mais geek est encore à l'heure actuelle par certaines personnes est vu aussi comme péjoratif. Oui, maintenant. J'ai l'exemple au quotidien pour ma part. Oui, mais bon. Dans les gens que je côtoie et que bon, Newton connaît, c'est un peu plus privé, mais il côtoie aussi. Je ne vais pas citer de nom ici, mais tu vois peut-être de qui je veux parler. Mm-hmm, oui, tout à fait. Quand on cite le mot geek, il voit directement. Pour lui, c'est péjoratif. Quoi. Il fait quelque chose qui s'apparenterait à de l'obsession d'une chose scientifique ou d'un truc. Il serait pas un peu alors que vraiment, de chez je lui, sais pas la personne dont vous discutez, mais vu la formation que vous faites, il y aura plein de geeks dedans et ils se rendent peut-être même pas compte qu'ils le sont, quoi. C'est possible d'un certain côté, oui. Tu veux dire geek parce que nous, bon, parce que dans le matériel, pour situer les gens quand même, on fait une formation dans le domaine technique du son. Donc tu veux dire geek justement dans cet aspect pas au montage, hein, on sait. Par exemple, la photo, c'est peut-être un domaine où il y a le plus de geeks. C'est des malades. Ceux qui sont vraiment passionnés de photo, ils connaissent exactement tout plein de... Ils connaissent toutes les données. Mais non, est-ce que... C'est vrai qu'on peut dire geek. Au final, on dit que c'est passionné. Donc, à partir du moment où on dit que c'est passionné, ça dérive automatiquement sur n'importe quelle passion. Mais il y a quand même un côté, le geek n'est pas sportif, le geek n'est pas... Donc, c'est n'importe quelle passion. Ça peut pas, au final, ce n'est pas n'importe quelle passion. Non. Ça, parce que quelqu'un qui va jouer au foot et va adorer le foot et va peut-être même analyser les chaînes de foot. Mais par contre, ne va pas quelqu'un qui va. Il pourrait par contre. Quelqu'un qui va jouer au foot, d'accord, mais quelqu'un qui regarde les matchs et qui analyse les matchs, qui regarde les transferts, pourrait être considéré geek. Hein. Et qui joue à Foot Manager. Ouais. Mais s'il joue à Foot Manager, il y a déjà un aspect jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'on associe quand même le geek plus à une culture pop, jeux vidéo, séries, films, lecture. Et. Au final, la frontière est assez ténue entre passionné et passionné pop culture, passionné... Parce qu'au final, dans ta définition geek, alors ça engloberait tout. Peu importe de quoi est passionnée la personne, si elle est passionnée, elle est geek. Moi, j'inclus un peu aussi la littérature. Oui, littérature, mais je veux dire, dans sa définition, alors on prendrait les gens passionnés de sport, passionnés d'automobile, passionnés de En automobile, tu peux avoir des geeks qui vont connaître les morceaux du moteur, enfin... Si c'est fort voyez, technique, oui, alors de quoi ne peut-on pas être geek? Voilà, c'est quelque chose ça, de plus sportif. Exactement. Déjà, je pense que si tu le fais. Tu résumes bien ma pensée. Si tu fais le sport, c'est moins geek. Donc pourtant, en fait, le geek est plutôt du côté analyse et réflexion sur la chose que du côté pratique de la chose. Plus comme par exemple une critique de cinéma plutôt qu'un réalisateur. Tu Un gars qui est passionné de cuisine, on va pas dire un geek de... Non, mais par contre, quelqu'un qui regarde... Tu pourrais... Quelqu'un qui regarde plein d'émissions de cuisine, qui... Et qui analyse et qui référencie les ingrédients dans un tableau Excel, serait geek, alors. Ah, ouais. Mais c'est poussé à l'extrême, mais plus quelqu'un qui analyse... Alors, ce serait peut-être un nerd, s'il ne fait que ça. Oui, moi, je... Ce serait un nerd, et qui calcule, par exemple, se dit sur les voitures... Quelqu'un qui va se passionner pour le... Oui, ça peut être un nerd. L'automobile, et qui va analyser... Ça dépend un peu de... Comment il prend sa passion, quoi. Si c'est vraiment juste la seule chose qu'il fait, bah oui, ce sera plus un nerd. Et si c'est une des choses qu'il fait, un mécanicien pourrait être un nerd, alors. Ça dépend s'il est passionné par ça. Un mécanicien de F1, à mon avis, ou bien genre Adrian Newey, c'est clairement des nerds. Adrian Newey, pour situer quand même à nos auditeurs, peut-être. Un ingénieur. Ingénieur de Red Bull. Oh. Aigurie Red Bull. Ouais. Parce que si tu dis juste Red Bull, il est ingénieur pour des canettes de... Non, de l'écurie de Formule 1. Bon. Oui, mais donc, pour toi, il y a cette différence entre le côté pratique et le côté passion, en fait. Ça, quand tu pratiques, tu n'es pas spécialement geek. Quand tu es passionné, tu es plus geek, alors. Ouais, tu peux le pratiquer et être passionné. Mais le mécanicien qui travaille chez Auto 5 ou dans n'importe quel garage. Je ne crois pas qu'il soit passionné par son métier. Je pense pas. Il peut l'être, hein, peut-être. Ah, mais. S'il l'est pas et que c'est juste un boulot, bah, on va pas le traiter de geek. Mais quelqu'un qui est au niveau d'être un ingénieur en F1, un mécanicien en F1, il est clairement passionné par son boulot. Mais alors ingénieur, est-ce que c'est pas un côté plus mathématique et plus nerd? Plus nerd s'il fait que ça. C'est ça toujours le plus problème, c'est que la différence au final entre les termes est assez... C'est compliqué. Bah oui, la différence mais entre les termes est assez... Mais parce que ça veut dire la même chose. Otaku, bon... Pour essayer de résumer où on en est à l'heure actuelle du otaku débat. Otaku geek, c'est pas vrai. Enfin, non. Otaku, au final, la c'est version. Plus, otaku, c'est plus Japon. Voilà, exactement. Voilà. Mais la version européenne, geek, la version européenne qu'on en a de l'otaku. C'est le geek. C'est pas si trop, mais c'est un geek fan de la version Japon. Japonaise, bon, ça nous concerne pas. Si maintenant on prend la version japonaise, et là, je viens de dériver sur le dernier terme du débat, comme ça, on les aura tous présentés. Finement amené. N'est-ce pas? Le no life. Est-ce que pour vous, alors la définition japonaise qu'on a de l'otaku, donc la personne qui reste enfermée chez lui, passionnée de culture imaginaire, correspond à la définition qu'on a en Europe du no life? Je sais pas, on va commencer le tour de table par l'ordre habituel, alors Chauve. Oui. Clairement, pour toi c'est la même chose? Mais que tu sois passionné par la culture imaginaire ou par les courses hippiques, à partir du moment où tu restes chez toi, que t'as pas de vie sociale et. T'es un no-life, quoi. T'es pas forcément, t'as forcément besoin d'être lié au monde imaginaire ou au monde de nouvelles technologies pour être un no-life. Ah, le terme no-life, ça vient quand même fort des jeux vidéo. Ça n'existait pas avant les jeux vidéo. D'accord, ça vient des MMO, quoi. Ouais, c'est des nouveaux termes, justement, qui évoluent, comme dit, que ça n'a plus la signification. Et donc, pour moi, tu peux être no-life pour n'importe quelle raison. C'est pas lié. Maintenant, oui, est-ce qu'un otaku japonais est un no-life? Oui. Pour répondre à la question, oui. Pour toi, oui. Newton, Tu peux répéter la question? Newton a trop bu ce soir. Est-ce qu'un no-life est l'équivalent d'un otaku japonais? Est-ce que pour toi, l'otaku au sens japonais où l'entend, ça correspond chez nous à ce qu'est un no-life? J'ai demandé à passer mon tour, moi je vais revenir. Tu vas dégriser un petit peu de ton alcool et... Bah, c'est plus péjoratif que tous les autres, c'est... Oui, je trouve que oui, c'est fort tu proche. Tu trouves que no life est plus péjoratif que neutre? Rien que dans l'étymologie, c'est péjoratif. Pour moi, à l'heure actuelle, avec l'évolution en tout cas qu'il y a, nerd est plus péjoratif que no life, dans mon esprit en tout cas. No life. Nerd pour moi, c'est plus péjoratif. Mais au sens où on l'entend à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été créées autour du mot no life d'ailleurs, ça se fait associer aux joueurs. Il y a même eu une chaîne de TV qui a porté ce nom-là, qui existe toujours en France. Pour moi, ça revêt un peu comme le geek, un côté un peu in, un peu à la mode. Oui, je me suis dit no life aussi quand tandis je jouais à DNA. Tandis que nerd, ça reste pour moi limite l'autiste qui est dans ses calculs et qui nous sort des chiffres. Ouais. Vous voyez la nuance que j'apporte. Donc pour moi, c'est que le terme no life est moins péjoratif en fait que nerd. Vraiment, moins péjoratif dans les cercles où il est accepté, quoi, peut-être. Parce que oui, parce que si tu prends étymologiquement, comme le dit Chauve, le commun des mortels, no life, sans vie, enfin, quelqu'un qui reste cloîtré chez lui. Quoi. Ouais. Mais sinon, oui, vu que ça vient des jeux vidéo, il y a plein de joueurs, enfin de gros joueurs qui vont se dire no life. Donc, à partir du moment où tu restes 15 heures par jour sur ton jeu, enfin, bon allez, j'exagère, mais 10 heures par jour sur ton jeu, on peut dire que t'as no life en quelque sorte. Je ne sais pas si... Newton, parce que tu c'est ton tour, mais tu allais revenir, tu peux peut-être dégriser, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ton mémoire, tu parlais d'avoir rencontré, enfin d'avoir parlé en tout cas, parce que par ouais, rencontrer, ouais, ils restent ouais, enfermés chez eux normalement. Ouais. Mais No Life, à qui tu as parlé? J'ai communiqué en fait via MSN voilà, à l'époque. Mais ce qui m'étonnait, c'est que dans, ton, dans ce que tu avais écrit, cette No Life sortait quand même chez, de chez elle au final. Elle sortait pour promener son chien. Ouais, mais je peux, j'ai plein de, j'ai joué à plein de MMO, donc j'ai plein d'exemples. Hein, c'est pas. Mais justement, c'est pour montrer que le No Life n'est pas nécessairement. Mais non, puisque c'est vraiment... plus un terme qu'on s'appelle comme ça voilà, quand on est un gros hardcore gamer. Quoi. C'est justement ça que je veux prouver par cette expérience-là où la personne sortait quand même un minimum de chez elle. Oui, maintenant bon. Après, je peux donner des exemples où genre quand on a commencé World of Warcraft, je sais bien que. Trois amis étaient à Paris dans le même appart, ils avaient prévu les provisions pour un mois, et ils sont pas sortis le premier mois, hein, mais littéralement. Et tu voyais la cuisine, c'était pas glorieux. Hein. L'eau, tu vois, l'eau avait le temps de... pour l'eau des pâtes, avait le temps de bouillir, d'être complètement finie, qu'ils se rendaient compte, ah oui, on n'a pas mis les pâtes. Le nombre de casseroles qui ont brûlé, tu vois, c'était pas... Donc, je ne sais plus où est la photo, mais je sais bien qu'ils avaient pris une photo de leur provision. Et donc, tu avais une montagne équivalente à peu près à la table où on est. Donc, une table pour 4 personnes, hein, pour que les gens puissent s'imager. Et bah, remplie de provisions, quoi, toutes sortes d'eau. Pour être sûr de ne plus sortir de chez eux. Ouais. Mais quand on voit que, dernier aparté, parce qu'après, mais à côté de ça, par contre, cette personne-là, maintenant, il n'arrête pas de voyager parce qu'il a sa compagnie et... la semaine dernière, il était à San Francisco et la semaine prochaine, il est à Shanghai. Donc, c'est, ben non, ça est-ce change. Que pour autant, il est sociable et parle aux gens, faut voir. Je pense qu'il est sociable, il a juste eu une période complètement asociale. Pour la dernière anecdote, après, pour laisser la parole de toi, mes dernières anecdotes, ouais, c'était le système dans World of Warcraft qu'avait mis au point Pizza Hut, où tu pouvais commander directement ta EverQuest. Pizza dans le jeu. C'était dans WoW. Il y avait aussi dans WoW, je crois. Il y avait Deux, peut-être qu'ils ont. Mais le premier qui a fait ça, c'était EverQuest. Enfin bref, dans des jeux en ligne. On... Tu faisais slash pizza. Et voilà. Tu et tu pouvais commander à Pizza Hut directement ta pizza pour la faire livrer chez toi, comme ça. Tu n'avais pas le jeu, en fait. Aux US. Oui, j'imagine. Voilà, donc c'est vraiment une dernière anecdote, mais pour expliquer l'exemple de. Mais bref, donc Newton, donc, tu as parlé avec No Life, et qu'est-ce qui est ressorti de ces. Elle le vivait assez mal, en fait, je pense. Pour toi, elle le vivait. Elle ouais, était... ouais. Enfin, c'est que tu as côtoyé, en tout cas. Ouais, enfin, elle disait qu'elle avait une période otaku, où elle s'était très fort intéressée à la culture otaku. Puis après, elle s'était un peu repliée sur les jeux vidéo, et je crois qu'elle en est encore là, justement, dans World of Warcraft, à ce moment-là. Quoi, enfin, moi, les personnes que j'ai présentées, c'est pas... ils ont eu une période no life, mais c'était volontaire de faire ça. Et puis après, ils ont repris alors, leur vie normale. Il y a peut-être une différenciation entre le no life volontaire, revendiqué. La personne qui dit, voilà, je me mets à fond dans cette passion. Donc, d'un côté, il est geek, justement. Il se met à fond sur une des passions pour essayer de créer quelque chose. Pour les joueurs, on sait bien que c'est important une release et qu'il faut aller vite au niveau maximum et tout ça. Voilà, donc ils se mettent à fond vraiment, par exemple, sur le jeu. Et ce sont des geeks, entre guillemets, qui se disent no life eux-mêmes parce qu'ils veulent se mettre à fond dans leur jeu. Il y a peut-être une différence entre ça. Et les gens qui, au final, qui ont commencé à jouer et ont subi, entre guillemets, les aléas du jeu et n'ont plus de contrôle. Voilà, n'ont plus de contrôle et ont eu peur du monde extérieur. Et là, se sont renfermés sur eux-mêmes et sont devenus nos lives sans vraiment par dépit. Quoi. Voilà, et n'ont plus ont peur du monde extérieur, en fait. Il y aurait plusieurs, alors, catégories de... Ce que je peux dire aussi, que avant World of Warcraft, je jouais à DAOC et on jouait... À quoi DAOC, Dark Age of Camelot. Ouais. Et on jouait tous les jours de 20h à 4h. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas d'aller au ciné quand j'avais envie d'aller au ciné. Je ne jouais pas ce jour-là, tu vois. Au ciné, oui, c'est pas pour c'est autant que tu partages ouais. nécessairement des choses avec des non, gens Non, mais extérieurs. Ça ne m'empêchait pas de faire ce que j'avais envie en dehors de jouer. Tu as quand même un petit côté no life. Oui, j'ai un petit côté no life. Un gros côté, moi, j'ai bien moins ouais. maintenant qu'avant. Ouais. C'est vrai qu'on ne te connaît pas depuis. C'est vrai que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas si no life que ça. En tout cas, c'est pas comme ça. S'exprime devant un micro, oui, c'est vrai que c'est quand même. Mais non, peut-être que c'est un no life, un geek, revendiquer no life dans les jeux vidéo. Tu vois, qui passe des heures sur ces jeux vidéo, mais qui se revendique comme neuf, mais que ça n'empêche pas de sortir en dehors. Je joue plus au MMO d'ailleurs. En fait, ce terme est devenu. Enfin, là, j'ai une réflexion très personnelle. Là. Vous allez me dire si je m'égare. Attention. Excusez-moi, mais bon. J'ai l'impression, ça me vient là tout de suite, que tous ces termes-là, geek, nerd, etc., ça désignait des personnes très spécialisées dans un domaine. Mais qui, en échange de ça, en contrepartie du fait de justement ne pas se sortir, ne pas se passionner pour autre chose, pour des choses un peu plus était justement très balèze dans ce domaine. Et les gens se sont un petit peu appropriés ces termes. Parce que quand tu te dis geek de quelque chose, ou quand des jeux vidéo, tu te dis no life, non, ça veut dire que tu es à fond dedans. Plutôt hardcore gamer. Oui, justement, voilà. Est-ce que justement, ça apporte pas une touche de prestige et que les gens se sont mis à l'utiliser dans ce sens-là, en se disant, bah tiens, les personnes qui sont réellement no life, qui sortent pas de chez elles, qui font jouer, sont des gens qui sont vraiment à fond dans le jeu, donc sont très balèzes dans le jeu. Donc si je me définis comme ça, ça veut dire que je me définis comme quelqu'un de balèze. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Que les gens se sont dit que ça apportait une touche de se considérer comme tel alors qu'on ne... Bah, comme tu disais, l'étymologie laisserait penser que non, quoi. No, ah, mais c'est vraiment le monde du jeu, quoi. C'est pas péjoratif dans le monde du jeu en lui-même. Oui, pour Nolan, mais là, je réenglobe, même pour, je réenglobe tout, temps. Mais je veux dire, voilà, les gens se seraient dit, je sais pas, par exemple, geek. Des geeks, c'est par exemple, ils seraient imaginés, ben, c'est quelqu'un qui connaît les comics. Geek, je trouve clairement que les gens s'appellent geek alors qu'ils le sont clairement pas. Le geek, il connaît la technologie par cœur. Ah, j'ai un iPhone, je commence à jouer avec. Mais si je vais dire que je suis geek, ben, les gens vont penser, tiens, il s'y connaît, et il sait utiliser son iPhone à fond, il sait comment. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Ils se sont dit que c'était un terme. Ça, je suis d'accord pour geek en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Que les gens qui. Bah justement, l'iPhone, c'est un bon exemple de... Voilà, les gens achètent un iPhone et ils se disent geek après, quoi. Parce qu'ils pensent avoir quelque chose de spécial, alors que... Bon, c'est voilà, quelque chose de spécial, c'est ça que je voulais dire. Quelque chose de vraiment... tu mets le mot, c'est de spécial. C'est juste pour le terme geek, mais... Bah pour nos lives aussi, non ? Oui, on est le life, je pense que c'est plus profond. Des gens qui ont des difficultés de socialisation. Oui, il y en a. Mais... À l'extérieur, qui... À la base, mais est-ce que... Qui évoluent dans un milieu où on les considère... selon eux, comme à leur juste valeur, enfin, ou même... Voilà, mais justement, voilà, tu as mis le mot, juste valeur. Ils sont restés dans la vraie vie, donc ils vont... Ils vont se réfugier vont dans quelque chose où on les considère à leur juste valeur. Mais c'est justement ça le mot que je voulais dire, à leur juste valeur. Donc dans ce domaine-là, on les considère à leur juste valeur, on les considère comme, entre guillemets, peut-être supérieurs, parce qu'ils passent plus de temps, donc ils ont plus de temps d'approfondir. Donc les gens qui ont voulu approfondir ça tout en ayant une vie sociale à côté, ont commencé à se définir comme ça, pour dire que comme les gens qui ne faisaient que ça, ils étaient à fond dedans et ils étaient... je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer ma pensée parce que c'est pas évident. Et surtout, j'ai eu la réflexion là tout de suite sous l'effet du whisky. Mais est-ce que vous me comprenez ? Je comprends. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment dans la communauté de gamers parce que c'est une communauté plus élitiste que celle de geek qui est tellement vaste que bah, tu ne peux pas dire grand-chose à quelqu'un. Mais quelqu'un qui va se dire pro-gamer ou bien hardcore gamer ou bien no-life... va plus être vite jugé par les autres joueurs. Et ça, c'est beaucoup plus vite de remarquer que si tu joues mal ou pas, quoi. Ouais, tu dis à un gamer que tu joues mal, on remarque plus vite que si tu dis geek et que t'as un iPhone, on sait pas le savoir de suite, quoi. On va... C'est plus parler... Enfin, quand tu dis geek, c'est plus dans... avec des gens, entre guillemets, normaux. Comparé à No Life, tu vas te le dire déjà dans un cercle de gamers qui va plus... être élitiste. Newton, tu es d'accord avec ma réflexion ? Oui, je réfléchis juste pour ça. Enfin, je me demandais juste si les gens s'autoproclament geek, no life, ou alors si c'est un qualificatif qui leur est donné. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, tu t'autoproclames. Il n'y a pas de normes. C'est vrai que c'est une question intéressante, ça. Est-ce qu'il y a... Enfin, une question, tu n'as pas posé une question, mais c'est un point intéressant. Je pense qu'il y a des normes. Je suis sûr que ta belle famille. Te décrit comme un geek. Ils savent pas ce que ça veut dire. Bon. Tu vois, il y a des gens qui. C'est moi qui le revendique et qui leur explique en fait. Ouais, mais si jamais tu le revendiquais pas. Et je crois en fait que simplement, comme dans toute communauté, tu as un consensus commun. J'arrive encore à faire des beaux mots malgré le whisky. Le consensus, c'est pas. C'est joli, consensus. Oui, un consensus commun dans cette communauté. Ne tracasse pas cette zone, je surveille le temps. Donc un consensus commun, je disais, dans cette communauté, et que la communauté, entre guillemets, s'autogère, essaie d'elle-même d'identifier ses membres et ceux qui se proclament mais qui ne le sont pas réellement. Moi, c'est comme ça que ça marche. Les geeks, la communauté est tellement grande qu'elle n'arrive plus tellement à s'autogérer comparée à la communauté gamer. Alors, tu fais bien, parce que justement, je vais introduire un nouveau pan de ce débat, justement. Bon. Avant de commencer, je vais dire une dernière définition quand même pour nos auditeurs qui les aient toutes. La définition Wikipédia de No Life, rapidement, comme ça vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Un No Life est une personne qui consacre une très grande partie, si ce n'est l'exclusivité, de son temps à sa passion, voire son travail, au détriment de notre activité. Cette addiction affecte ses relations sociales et sentimentales. Le terme n'est utilisé que pour désigner une personne souffrant d'une forte dépendance aux jeux vidéo ou à l'ordinateur. Voilà, moi pour moi je suis d'accord avec la première phrase mais pas la deuxième. Sauf que c'est pas uniquement dépendance aux jeux vidéo. Voilà. Ils le disent, hein. Ils disent travail, il me semble. Oui, mais après ils disent le terme n'est utilisé que pour désigner une personne souffrant d'une forte dépendance aux jeux vidéo ou à l'ordinateur. Pour moi, ça c'est pas vrai. C'est souvent quand même dans ce domaine-là. Souvent, c'est souvent ces gens-là qui se revendiquent comme tels. Mais au final, no life, si tu prends le terme no life en lui-même, ça peut être considéré, ça peut être n'importe quelle personne qui ne sort pas de chez lui et qui n'a pas vraiment de vie sociale. Ouais. Ouais, bon, moi, ouais. On l'utilise quand même très souvent pour les gamers. Mais oui. Même encore plus que pour les gamers, on l'utilise pour les gamers de MMO. Et sinon, pour genre, on va jamais dire, enfin, on va rarement dire qu'un joueur de StarCraft ou bien d'un FPS va être un no life. On va plutôt dire que c'est un hardcore gamer. Et pour un MMO, on va plutôt dire que c'est un live. C'est vrai que tu prends l'exemple de StarCraft qui est quand même un peu exceptionnel aussi parce que c'est quand même, ben, quand même des mêmes limites, des shows autour de ça. Ouais. Oui, mais on va plus utiliser Hardcore Gamer. C'est juste. Nos lives, ben, on, on va plus utiliser dans le cadre de MMORPG où le personnage continue à évoluer dans une vie virtuelle que Half-Life, enfin Counter-Strike, pardon. N'importe quel jeu de compétition, tout seul. Ça va plus être Hardcore Gamer, même si tu passes ta vie dessus. Ouais. C'est plus dans le but de t'améliorer que tandis que dans un truc, enfin, tu t'améliores aussi dans un MMO, mais c'est pas la même chose, quoi. Un truc comme Counter-Strike, c'est vraiment une compétition. Le personnage, quand t'es pas là, le personnage n'évolue pas. C'est pas une vie virtuelle. Un truc comme World of Warcraft, il y a plus l'aspect vie virtuelle, et tu dois être présent parce que ton personnage continue à vivre et les autres continuent à vivre quand t'es pas là. Donc tu te crées une vie parallèle à la vie réelle normale, on va dire. Et bon. Et tu vis dans tu vis par procuration. Les pro gamers, ceux qui gagnent leur vie avec ça, même s'ils passent leur vie dessus, ils seront jamais traités de no life. Hein. Ils seront, c'est comme un sportif. Tu vas pas traiter un sportif de no life, alors qu'il pourtant il passe sa vie à faire ça. Mais ouais. Est-ce que le sportif est geek parce qu'il non, je vais pas revenir avec ce. Tu vas pas traiter un footballeur de no life parce qu'il s'entraîne. Non, de gros cons, oui. Ouais, mais ouh, tu vas t'attirer des ennemis. Mais bon, n'importe quel sport, tu vas pas les traiter parce qu'ils s'entraînent. Bah, c'est la même chose pour un joueur qui gagne sa vie avec ça. Non, c'est son boulot. Quoi. Ouais, mais donc, un professionnel. Oui. Un professionnel. Excusez-moi. Non, mais c'est bon. C'est parce qu'on arrive à la première moitié de ce débat. Enfin, on a même passé la moitié du temps à partir. On a fait que la moitié. Bah non, mais il y a une deuxième partie, enfin un deuxième pan du débat que je veux aborder. Ah, niveau temps, on est, si tu veux tout savoir, à 35 minutes exactement. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Je voulais juste maintenant passer sur. Maintenant qu'on a décrit un peu tous ces termes, qu'on a dit ce qu'on en pensait, je voulais un peu passer du côté de ce qu'il y a à l'heure actuelle, du côté un peu in, à la mode d'être par exemple geek. Geek ou même no life par certains pans, et otaku encore plus, version française, c'est un peu à la mode. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, comparé à ce qui se passait avant, ce terme a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Est-ce que c'est devenu quelque chose. Est-ce que c'est à la mode d'être geek, d'être otaku Je crois que c'est geek. C'est geek d'être à la mode. C'est à la mode d'être geek, otaku, jusqu'à une certaine tranche d'âge. Je pense que. C'est pas qu'on les trouve là, j'y ai pensé. C'est comme si tu te revendiquais punk ou hippie ou quoi que ce soit, c'est une appartenance, c'est quelque chose de normal à cet âge-là, un groupe auquel tu vas t'identifier. Donc ça, je pense que oui, il y en a qui prennent ce chemin-là plutôt que des punk ou de gobelets de plomb ou n'importe quoi. Qu'après, c'est plus tu t'assumes, c'est de la personnalité, enfin, je veux dire, quand tu as une bonne vingtaine d'années, que tu approches de la trentaine, que tu es geek, ben voilà, tu es comme ça, que ce soit hype ou pas, tu t'en fous, tu changeras pas pour autant. Voilà, tu t'es forgé ta personnalité. Donc là, je ne pense pas que ce soit hype, c'est partagé par d'autres personnes, mais c'est pas hype. Que oui, si tu as 15 ans, là, je pense que oui, ça peut l'être, comme c'est par cycle, quoi, il y a des groupes. Des groupes qui reviennent, c'est la mode, quoi. Enfin, c'est des périodes où, pour parler musique par exemple, où c'est le hip-hop qui est à la mode, t'en as plein qui s'identifient, puis c'est le rock, t'en as plein qui s'identifient. C'est devenu le mouvement geek, enfin le mouvement, on peut dire. C'est un groupement suffisamment important que pour pouvoir s'y identifier, mais pas suffisamment important. Comme ça a toujours l'air un peu rebelle, un peu. Bah ça, je trouve que justement. Non pas rebelle, maintenant. Mais. Quand tu vois que les plus gros films c'est Harry Potter et The Dark Knight, c'est les plus grosses ouvertures, c'est clairement que la culture geek. Mais tu dis non parce que tu baignes un peu dans le milieu, je suppose que la plupart de tes connaissances sont plus ou moins geek, mais pas pour un ado par rapport à la plupart des gens qui voient, ses parents, sa famille, je pense que ça a une part de... D'être différent. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est un petit peu être Snap, c'est comme quand tout à l'heure on parlait de Google+ et de Facebook. Quand tu te revendiquais geek il y a longtemps, donc notre génération à moi et Kirby, bah nous, mais tu t'es jamais revendiqué geek. Non, je m'en fous. Voilà. Mais c'était plus. Même si pour moi c'est un geek. C'était plus différent que maintenant. Il y a tellement de gens que ça veut plus dire grand chose. Tu vois, on va moins se dire geek parce qu'il y en a tellement. C'est le côté d'être un peu vouloir être, c'est le même côté que de vouloir être différent. Même si on l'est toujours, on va plus le revendiquer. On va le revendiquer parce que c'est facile, mais il y en a. Mais c'est ce que je voulais dire dans mon truc étrange là, c'est vouloir être différent, mais avoir adhéré à un mouvement suffisamment important avec suffisamment de gens que pour ne pas être, pour être différent, mais pas rejeté. Pas rejeté. Justement, ça j'y reviendrai après, je vais laisser la parole à d'autres avant, mais le côté rejeté, moi c'est un truc que j'ai vécu dans mon adolescence et dans ma jeunesse. Ah, c'était moins répandu. Auquel il faudra que je revienne juste après. Newton, de ton expérience, notamment dans tes reportages à Paris, est-ce que pour toi, les gens que tu as interviewés en tout cas, est-ce que c'est pour eux une fierté d'être otaku, d'être geek? Est-ce que tu as ressenti ça comme. Oui, j'ai ressenti ça. Ouais. Vraiment, t'as l'impression qu'ils sont, ils sont fiers de ce qu'ils sont en fait. Oui, je sais pas, il n'y a pas eu des gens spécialement qui avaient honte de le dire, au contraire. Quoi. Justement, de toute façon, c'est un petit peu le public qui ne va pas avoir honte de le dire. Voilà, le public qui a la Japan Expo au Comic Con. Oui, c'est ça, justement, ils étaient là pour le dire, voilà, nous on représente. Mais justement, moi ce que je critiquais, c'est que certaines de ces personnes-là, il va dire que je suis un connard, c'est que je n'ai pas envie d'être associé avec ces personnes-là. Ouais, moi c'est pareil. Alors attendez, là vous entrez dans autre chose, donc allez-y, expliquez un petit peu. Non, moi je vois pas ce qu'ils veulent dire. Il y en a tellement que t'as pas envie d'être associé avec ceux qui se prétendent. Ils se reconnaissent plus dans le terme vu que Moi je suis assez d'accord avec Stetson. Chauve aussi, mais. Chauve, tu le voyais comment alors? Bah, c'est plus personnel et je pense que ça se développe plus avec l'âge, avec la formation de ta personnalité. Le bagou que tu as. Non, pas le bagou, mais personnellement. Je n'aime pas être associé avec un groupement quelconque, que ça soit geek ou je n'aime pas que des gens te classifient en fait, tu aimes être toi et c'est tout. Comme Stéphane disait, des gens qui disent on est là pour représenter la culture geek, moi tu me définis comme un geek, mais voilà, je ne vais pas demander à ce qu'il y ait des perdus qui se déguisent à la Japan Expo viennent me représenter, je ne connais pas ces canards-là, je n'ai rien à voir avec eux. C'est peut-être mon indépendance. Non, mais je vois le côté. Connard, c'est péjoratif quand même. De quoi ? Connard, c'est assez péjoratif. Moi, je m'en fous. Le cosplay, pour moi, ça me passe au-dessus de la tête. Il y en a deux ou trois qui étaient bien faits. Par exemple, on a vu les Ghostbusters. Ils étaient impressionnants, leurs costumes. Les Ghostbusters, là, on dérive. À part un qui était. Bon. Là, on est en train de dériver, les gars. On est en train de dériver parce qu'on n'a pas envie. Mais alors, vous attendez peut-être un néologisme dans lequel vous pourriez vous retrouver. Non ? Non, mais c'est juste. Que c'est devenu tellement grand que j'ai pas envie de m'associer avec des gens. Et alors, si tu dois te définir, tu dirais quoi ? Ah, de toute façon, je l'ai déjà dit à eux deux, mais je me définis plus comme un gamer que comme un geek. Spécialisé jeux vidéo, alors plutôt, mais pourtant, t'as quand même les côtés. Parce que j'aime bien la pop culture. High-tech, pop culture. T'es ici avec nous en train de parler d'autres sujets. Oui, tu parles cinéma, série. Mais. Ce que j'ai. Moi, toi, dans ton enfance, télécom. C'est. Bah oui, parce que j'aime quand même bien le high-tech. D'être gamer n'empêche pas d'aimer le high-tech. Ta passion vraiment, c'est le jeu et c'est ce que j'ai aimé le plus quand j'étais jeune. Et c'est ça que tu voudrais, entre guillemets, faire ta vie. Tu avais un choix à faire dans toute cette masse de pop culture ou autre. Si tu voulais vivre de quelque chose, ce serait le jeu en fait. C'est ça que jeu ou les séries, peut-être. Un gamer serial. Serial gamer. De toute façon, vous le savez tous les trois. J'adore la pop culture US. Donc, le touriste anglais. Et j'aime bien la technologie, mais j'aime bien les jeux vidéo. Et quand j'étais jeune, c'était clairement plus les jeux vidéo qui prenaient. Comme toi, tu as dit tout à l'heure que tu as mal vécu d'être geek. En tout cas, il y avait peu de geeks. Je vais quand même l'expliquer. Pas mal vécu, mais qu'il y avait peu de geeks dans notre enfance. Ben, moi, il y avait peu de gamers. J'avais quelques amis qui étaient joueurs. Ben justement, bon, Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient chauves. Merci chauve. Merci chauve pour ce commentaire. Non mais justement pour rebondir parce que à suite de la continuité de ce que vous avez dit, moi le fait d'être justement je pose cette question sur le côté hype maintenant de on va dire geek parce qu'en fait au final j'ai l'impression je fais une petite aparté mais j'ai l'impression que geek est un peu le terme généraliste et qu'après on divise tout ça en no life, nerd, otaku, on fait vraiment gamer, peu importe, mais on fait des... après les subdivisions. C'est l'impression que j'ai au final de ce débat, mais on y reviendra. Oui, c'est la maison mère. Quoi. Voilà, mais je dirais ça en conclusion, on y reviendra. Mais ouais. Pour revenir sur le côté hype de la chose, moi, à l'heure actuelle, je me revendique comme geek. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, j'étais pas passionné d'une seule chose, j'adorais plein de trucs, et c'était souvent accès pop culture, accès high-tech, et que voilà, je me reconnais dans cette tendance, cette mode qui est à l'heure actuelle du geek. Mais par contre, il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus adolescent, ça avait moins ce côté hype qu'il y a à l'heure actuelle, et j'ai mis très longtemps avant de l'assumer, de le revendiquer. Donc comme Chauve disait, j'avais une envie d'appartenance à un groupe, comme les punks ou peu importe, comme tu le précisais, mais comme il n'y avait personne, du moins là où enfin, j'étais... Il existait, mais pas... Il existait, mais... Pas dans ton réseau social proche. Voilà, et pas aussi officiellement qu'à l'heure actuelle avec Internet, où les geeks se sont rencontrés, se sont répandus. J'avais l'impression d'être un peu seul et isolé. Et j'avais du mal à l'heure actuelle, quelqu'un qui va venir décrier les geeks, j'en connais le cas cette semaine, où j'ai... Bon, petite anecdote personnelle, hein, je suis revenu à mon boulot, mais ma formation où je suis actuellement. Je suis revenu avec un magazine qui s'appelle Comics Box. Je ne sais pas si tu connais ce Comic Box, qui est sur les comics, donc, et qui diffuse des extraits, qui fait des articles sur des auteurs, etc. Je suis revenu avec ce magazine-là. Il y en a un qui l'a pris. Je ne vais pas le citer, hein, mais Newton le connaît. Il est ainsi entre nous deux, Newton. Bref, il l'a pris en main. Il l'a feuilleté rapidement et m'a dit il y a du coloriage là-dedans. Tu vas dessiner des petits personnages. Voilà. Et sur le coup, ben. J'aurais pu mal le prendre. C'est le même. J'aurais pu mal. Non, c'est pas le même, excuse-moi. Ah, c'est oui. Même qu'avant. Bref. J'aurais pu mal le prendre, mais au lieu de ça, j'en ai rigolé. Et j'ai dit, non, il n'y en a pas, pourtant j'aimerais bien. Et voilà, ça m'a fait rire et j'avais pas peur de lui montrer que oui, j'adore les comics, oui, je lis des comics, oui, j'achète des magazines qui en parlent, j'adore ça. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas peur de me battre contre ça. Ah oui, non. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune et que j'avais ce côté où dans mon cercle social, comme tu dis, il n'y avait personne qui se revendiquait comme geek, qui s'était même vu comme très péjoratif d'aimer les dessins animés, la bande dessinée. C'était être un gamin, un adolescent. C'est le terme qu'on utilisait beaucoup et qu'on utilise encore maintenant dans beaucoup de reportages télévisés. Adolescent. Reportage grand public. Ouais. Voilà, c'est le mot qui sort, adolescent. C'est un mot que je déteste. Mais oui, si vous voulez que je sois adolescent, je le suis. Tant pis. J'ai mis le temps à réussir à assumer ça, mais maintenant que cette culture s'est développée et qu'il y en a plein qui se revendiquent comme tel et que le terme est plus connu de beaucoup de gens, j'ai pas peur de revendiquer, j'ai pas peur de dire que oui. Je pense qu'Internet a beaucoup aidé. Je ne sais plus qui m'avait dit qu'avant, les gens ne savaient... Enfin, avec Internet, plusieurs personnes ont pu se rencontrer ayant la même passion. Et la culture geek... Et oui, la culture geek est née notamment... Elle a aussi aidé... Pas née, mais a connu son essor, a émergé avec Internet. Ouais. Et puis même... D'autres trucs, hein, mais je trouve que les DVD aussi ont aidé. Parce que partie de la culture geek, c'est aussi de regarder. T'as beaucoup plus d'accès sur un DVD que t'avais sur un cachet. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, les geeks sont clairement des gens en avance sur leur temps, toujours en soif de découverte, d'apprendre, les vrais, de tester des choses. Pour moi, c'est ça un geek. C'est quelqu'un qui est passionné, qui adore découvrir, qui adore tester, qui adore. C'est ce que j'adore moi. Et justement, pour moi, ce sont les geeks. Les gens ne le savent pas encore. Ils ne le sauront peut-être jamais. Le commun des mortels ne le saura peut-être jamais. Kirby va vous guider vers la Non, mais clairement, pour moi, les geeks sont les gens qui amènent justement ces évolutions dont les gens n'ont pas conscience. Et il n'y a rien à faire, les gens, à l'heure actuelle. J'ai encore eu la réflexion cette semaine. On m'a parlé de mon smartphone en disant « Ouais, ça ne sert à rien. Moi, je sais ma 29€ qui téléphone aussi bien et je ne fais pas de gratte sur l'écran. » C'est pas chauffe, non, cette semaine. Mais on me l'a dit cette semaine. Clairement, on me l'a dit comme ça. Bon, par habitude, j'ai répondu bah, « Oui, tu as raison. » Ah non, moi, tu vas répondre toute façon, t'auras un smartphone. J'ai répondu, ben oui, tu as raison, parce que la personne ne serait pas convaincue, mais je sais très bien que dans un avenir proche, elle aura son smartphone. Elle utilisera les possibilités du smartphone et elle en sera très contente. Parce que les geeks amèneront cette évolution. Le DVD, c'était pareil. Les geeks, Internet ou les DVD, les geeks ont amené cette évolution. On fait de leur passion et de leur motivation, on crée quelque chose. Et au final, le commun des mortels s'est mis à l'utiliser par... Enfin, ça a découlé de ça, je veux dire, Le commun des mortels s'est mis à utiliser ça et s'est rendu compte qu'en fait, oui, c'était génial. Oui, ça apportait plein de choses et tout le monde s'y est mis. En train de dire que les smartphones découlent de la culture geek. Les premiers utilisateurs de smartphones, c'était clairement des geeks. Et pour moi, Steve Jobs, je prends l'exemple de Steve Jobs parce que bon, il a sorti l'iPhone, il y en avait d'autres avant. Ça reste du commerce. Voilà, Steve Jobs l'a sorti, pour moi, c'est un geek. Steve Jobs, c'est un peu un geek. C'est quoi ça veut dire? C'est du commerce, bah, forcément, mais ça n'empêche que si ça n'avait pas été adopté par les technophiles et les geeks, ça n'aurait pas été adopté après. C'est pas tellement la personne qui l'invente. Là, j'ai pris Steve Jobs en disant que oui, il était geek, mais c'est un cas à part. Mais c'est pas tellement le fait d'inventer la chose. C'est le fait que les geeks se rendent compte que cette chose inventée, oui, elle est géniale. Et le commun des mortels va dire, mais non, je ne connais pas ça, je ne vais pas prendre ça, ça ne marche pas. Moi, j'ai mon truc, il marche très bien. Et le geek va tester, va commencer à le répandre. Mm-hmm. Et après, les autres vont commencer à entendre parler en se disant, mais oui, en fait, c'était génial. Oui, en fait, ils avaient raison. Non plus, quoi, je veux dire, voilà. Toutes les évolutions technologiques, ça découle de là. Pour le PC... Je dis pas le contraire, mais... Tu dis les gens, ah, jamais t'es pas rendu compte, merci de m'avoir dit. Non, je dis pas ça dans ce sens-là du tout. Là, tu t'extrapoles un petit peu, parce que je vais pas jusque-là. Je vais pas jusque-là, je fais quand même une nuance. Dans le temps, c'était un peu ça, mais c'était je suis d'accord un petit peu, avec je prêchais un peu la bonne parole parce que j'ai envie de vendre mon truc. Et de. Personnellement, aller sur internet avec mon téléphone, j'en ai rien à branler. Mais peut-être qu'un jour. Mais attends. Non, attends, tu prends l'exemple internet sur le téléphone. Mais le téléphone. Est-ce que tu as déjà pris des photos avec ton téléphone ou écouté de la musique avec ton téléphone? Ça t'est déjà arrivé. Ouais. Et ben voilà, ça c'est une évolution pour moi qui vient du fait que les geeks l'ont adopté en se disant ben oui, c'est génial qu'on puisse le faire en mobilité. Mais on va voilà. Poser une question, pourquoi est-ce que ça ne t'intéressera jamais de regarder sur internet, sur ton téléphone? Il disait ça il y a quelques années d'écouter de la musique sur son téléphone, maintenant il l'écoute donc voilà. Non, j'écoute pas, j'ai déjà fait. Mais pourquoi voilà, est-ce que tu petit trouverais à pas petit, ça arrive, c'est tout. De regarder quelque chose sur internet quand t'es pas chez toi et que t'as besoin d'une information? Si j'en ai besoin, éventuellement. Voilà. Donc c'est utile. Si traîner sur Internet sur mon téléphone. Mais traîner, non. C'est rare. Enfin, moi je connais personne qui traîne sur leur téléphone sur Internet. Oh mais là, enfin là on va entrer dans un autre débat sans fond. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté rejet comme il l'a à l'heure actuelle en disant ça. Mais mine de rien, je suis sûr que dans quelques années, ben s'il l'utilisera, il dira ben oui, en fait c'est pratique. Je ne voilà. Pas. Je dis que ça dépend, c'est du cas par cas et que moi j'en ai pas besoin. Oui, non, t'auras peut-être pas besoin maintenant, mais si un jour tu l'as, tu te diras, mais voilà, je vais l'utiliser, c'est génial. Sincèrement, c'est vrai. Voilà, mais ça, c'est un autre débat de geek contre non-geek ou ce qu'on veut, mais voilà, moi, c'était le. Pour moi, les geeks ont vraiment amené ces évolutions. Mais alors, on peut dire la même chose des GPS portables ou des GPS en général. Mais je dis que j'en ai pas le besoin. J'ai toujours fait comme ça, je me suis très bien démerdé comme ça, j'en ai pas le besoin. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais. On n'a pas le besoin, mais c'est pratique. Mais de toute façon, ça, c'est un débat sans fin. Et que des gens n'aient pas envie d'utiliser tout ça, moi, ok, pas de problème. Moi, j'utilise tout ça parce que voilà, j'ai ça en plus et j'ai besoin d'un truc, je l'ai sous la main. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'en ai pas le besoin. Mais peut-être que ça me sera utile de t'en. T'as pas le besoin, tant mieux, mais voilà. Moi, j'ai un simple exemple, je suis en train de discuter avec des gens la semaine en commun. On parle, je ne sais plus quoi, ils ont besoin de savoir tel mot signifie quoi en réalité. Ben, j'ouvre mon smartphone, pareil. Google Trad, je tape le mot et voilà, j'ai la réponse. Pareil. Voilà, c'est si tout. Si vous étiez cultivé, vous n'auriez pas besoin de. Par contre, on en a déjà discuté. Cultivé, les agents en réalité, tu ne peux pas tout savoir non plus. On en a déjà discuté. Le fait qu'on a la réponse instantanée sans chercher, c'est pas idéal pour la mémoire. Voilà, il y a quand même des côtés négatifs, mais bon. Bref, c'était pas dans le sens prêcher la bonne parole ou dans le sens. Mais il faut absolument suivre son mouvement. C'était mon esprit de contradiction. C'était plus dans le sens. À, bah oui, tu fais bien, c'est ça qui fait le débat justement. Et moi aussi, j'aime bien de contredire. Tu veux dire que les geeks adoptent beaucoup plus vite. Oui, ça je dis pas. Ils sont plus intéressés par la nouveauté. Et donc, peut-être cherchent que tout marche pas, mais peut-être que certains trucs marchent. Ils cherchent plus aussi, ils cherchent la nouveauté. C'est surtout ça qu'il y a. Donc, quasiment tout ce qui découle de la technologie. Ils l'auront adopté avant la masse. Ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ok. Je disais que c'était du cas par cas et que. Voilà, donc bref. Geek, je suis en train de parler, s'il te plaît. Je disais que c'était du cas par cas et que voilà, ça ne s'appliquait pas à tout le monde et que tout le monde n'en avait pas besoin. Et, si c'était pour dire ça, c'est pas toi. Mais va chier dans un pré. Non. Le problème de ce genre de discours, c'est que c'est. Mais je vais vous interrompre parce que ce genre de débat est vraiment sans fin et en plus on arrive presque à terme du temps. Mais le genre de débat qu'on a là est vraiment sans fin. Oui, les geeks sont toujours intéressés et les personnes moins geeks, je vais dire, ne trouveront pas l'utilité de ça pour leurs besoins personnels. Et voilà, tant mieux pour eux, ils s'en sortent sans ça. Et nous, on n'a pas besoin, mais on aime bien avoir ça en plus et cette aide en plus. Ça, c'est qu'un smartphone, mais il y a d'autres choses qui sont très pratiques et qui sont rentrées dans les mœurs, comme le DVD, tu le citais par exemple. Bah, et portable. Voilà, donc bref, ça totalement entre débat. Mais donc, pour résumer, après je passerai à la dernière question. Pour vous, à l'heure actuelle, on va prendre le mot geek puisque c'est plus généraliste. Est-ce que Non. c'est hype? Est-ce que pour vous, c'est être à la mode d'être geek? Est-ce que ça, est-ce qu'on se revendique comme geek pour être un peu à la mode, être in? Comme je l'ai dit, ça dépend de la tranche d'âge. J'ai développé plus tôt. D'accord, Newton, tu penses que c'est Ben, j'ai l'impression que dans l'univers des gens qui, enfin les gens qui se reconnaissent comme geeks sont fiers de l'être, mais je pense que pour la globalité, c'est pas nécessairement si positif que ça. une Pas différence entre encore, se en tout cas. reconnaître geek et se revendiquer. Ouais, là je suis d'accord. C'est joli. C'est joli, je suis plus ou moins Belle d'accord. conclusion, hein. C'est pas mal. Et Stetson, tu penses que Le c'est... problème de quand tu te revendiques pour être hype, tu l'es pas vraiment. Donc c'est avec ces gens-là, comme je disais, que j'ai pas envie d'être Ou bien tu associé. l'es, mais tu Donc seras autre chose un an après, quoi. c'est là que Ouais. la différence entre revendiquer et C'est être s'assumer et et s'assumer. l'être, quoi. Voilà. Oui, comme tu dis, c'est peut-être que ceux qui revendiquent le sont pendant un an et puis ils le seront plus Maintenant, derrière. attention à une chose, enfin, pour mon cas personnel en tout cas, moi je pense que j'ai appris à m'assumer et à le revendiquer en même temps. J'ai les deux en même temps. Je Mais revendique parce qu'on l'est pour depuis l'assumer. longtemps. Tu ne le revendiques pas vraiment non plus, quoi. Je Tu revendique, l'assumes si, je le. totalement, mais tu ne le revendiques pas vraiment non plus. Mais ça ne Je gêne pas de le le dire. dis, je le dis, Oui, je tu le le dis. dis, mais tu ne le revendiques pas. Ouais, ça dépend de la version de revendiquer, effectivement, mais. Tu le gueules pas sur les toits, si on t'en parle, tu le dis oui, Oui, c'est vrai, si c'est c'est vrai. moi, Tu as c'est comme non, t'as ça, raison, mais t'as tu le raison. revendiques pas non plus. Tu t'en caches pas, Donc, tu l'assumes, mais revendiquer tu comme le ça, je suis revendiques. d'accord, T'as comme tu raison parce que dis. j'ai dû, personnellement, j'ai dû me présenter à un groupe de personnes récemment, parce que je débutais enfin, Et nouvelle t'as dit formation, nouveau passionné. travail. Et au début, c'est vrai, voilà, exactement. La première réunion qu'on a demandé de se définir par un mot, j'ai pas dit geek, j'ai dit passionné. Voilà, c'est vrai. Et après, en discutant avec les gens, j'ai dit, bah Parce que oui, c'est je suis simple un geek. de dire geek quand tu es dans ce genre de milieu qui va comprendre le terme. Je trouve. C'est tellement Mais en vague même temps, maintenant que juste ça ne une chose, définit plus rien, quoi. j'ai dit passionné parce que j'ai quand même eu cette appréhension que si je disais geek, on allait penser. Non, non, on n'a pas pensé péjoratif, ça je m'en fous. On allait penser, Non, oui, on il l'a veut fiché. être hype, il veut être à la mode dans ce mouvement geek et il ne l'est C'est pas clair. réellement. Et moi, je voulais dire ce qui faisait le fondement du geek, c'est-à-dire être passionné. C'est Ben plutôt pour ça que je l'ai je dit. suis d'accord avec ça, parce que c'est avec ce côté-là de la revendication C'est qui me beau ce que je dis. dérange. Je pense C'est pas la que les gens auraient revendication pensé pour ça. être hype. Je pense pas non plus, mais j'avais cette appréhension. Cette appréhension parce que j'ai l'impression que ça revêt un côté un peu à la mode. Ouais. Ben donc, bref, pour conclure le débat, on va essayer de conclure un petit peu ici, alors que mon chien décide à faire un peu de bruit en rongeance. Et la carpette à côté de moi. Mais je crois pas qu'on l'entend au micro. Il a fait caca sous ma chaise, j'ose pas le dire. Il fait jamais ça. Pour conclure ce débat, la dernière question alors, puisqu'on a essayé d'explorer un peu tous ces termes et que je pense qu'on a beaucoup dérivé sur le mot geek à l'essentiel, est-ce que vous Non. pensez, chauffe s'il te plaît, est-ce que vous pensez que, Non. comme on l'a dit tout à l'heure, geek est en fait le mot généraliste qui englobe après l'otaku, le no life, le nerd, qui sont plus des spécificités? Ouais. Pense que oui, chauve? Newton. Je ne me prononcerai pas. Mais dans le Ça a sens mérite de me faire réfléchir, généralisé, hein, pardon. mais... Vas-y, Excuse-moi. je t'en prie. Dans le sens généralisé, dans le mauvais sens du terme, vraiment faire un gros regroupement des carottes et des pommes de terre. Ça fait une potée, oui, une potée aux carottes, mais C'est ça. vas-y. Non, mais une classification de base grossière, quoi, avec tout et n'importe quoi dedans, et après on classifie. Donc pour toi, geek, c'est ça, c'est le fourre-tout, en fait, le passionné d'un peu tout. Ouais. Et après, les autres sont Ouais. des classifications précises du geek. Il y a le no life, le nerd, le gamer, parce qu'on a cité, l'otaku. Mais finalement, geek ne veut rien dire à part deux, trois points communs à tous qui se situent Qui dans ce sont du fait groupement-là. qu'ils sont passionnés par un Ouais. sujet. Ou Ok. plusieurs. Newton, quelque chose à ajouter à ce que... Bah moi, je voyais plus le côté manque de contacts sociaux. Pour le même le Bah. geek? Je trouve plus du tout que c'est vrai, ça. C'était, mais ça allait peut-être plus tard. Ouais, ça l'était peut-être avant, maintenant. C'est pas ce qui prédomine, en fait. Vous êtes toujours un peu. Enfin, peut-être dans l'image de certaines personnes, en fait, mais c'est plus vraiment le cas. Bon, je me prononçais peut-être avant, mais non, est-ce que justement cet aspect-là du geek qu'on voit encore à l'heure actuelle, c'est pas le fait justement d'être trop passionné et d'être tellement à fond dans ses passions qu'on, entre guillemets, on met sur le côté l'aspect social, l'aspect sortie, parce qu'on a, entre guillemets, plus le temps, on se dit, bah non, là j'ai un peu de temps tué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder une série. Mm-hmm. Parce que c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Et tiens, j'ai autant d'épisodes à rattraper, je vais regarder la série. La passion empiète sur l'aspect social, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas voir des gens et leur parler. Mmh. C'est peut-être ça aussi. Ouais, sauf que ça porte à conséquence aussi, le fait de moins voir des gens. C'est peut-être ça qui fait justement le... Enfin, donc Stetson, est-ce que tu penses que Geek englobe un peu tout ça et que les autres ne sont que des sous-catégories au final ou... Ouais, on peut même que dire que c'est des sous-catégories de catégories parce que No Life la mettrait dans Gamer. Donc t'aurais un Geek, No Life, Gamer. Non, Geek, Gamer, No Life. Geek, Gamer, No Life. Celui qui est vraiment enfermé chez lui sur un jeu, c'est un Geek, Gamer, No Life. Parce que No Life, c'est vraiment sur les jeux. Geek aussi et Gamer et No Life. Séparé. Mais parce que le terme No Life vient des jeux. Il peut être utilisé ailleurs, mais il vient des jeux. Pour moi, il peut être utilisé ailleurs. Bref. Ok, et donc pour conclure, pour ma part, je vois ça comme je viens de le dire, le geek en termes plus généralistes, effectivement avec les subdivisions qu'on lui reconnaît, même si pour moi le nerd est quand même quelque chose un peu à part, parce qu'on peut être nerd d'énormément de choses, et sans être geek. Parce que le geek c'est avant tout un passionné qui aime beaucoup de choses. De la culture quand même, il y a un côté culturel. C'est l'aspect culturel, ou même high-tech un petit peu, mais culturel fort, que nerd ce sera plus mathématique pour moi. Donc c'est vraiment la catégorie à part. Voilà. Je crois que c'est la conclusion un peu à laquelle on arrive. Je crois qu'on a fait le tour d'un peu du sujet. Donc, si vous voulez débattre avec nous, hein, si vous avez des commentaires sur ce fameux débat, n'hésitez pas à venir sur le site Bipod, bipod.be, et à poster un commentaire. On n'hésitera pas à vous répondre et à engager la fight, la fatality avec vous. Ben voilà, on va passer rapidos à la dernière partie de l'émission alors, pour terminer en beauté. Stetson se gosse, n'est-ce pas? Puisqu'on va parler du petit défi, parce que c'est la fin de podcast, on se lance un défi. Et donc on va voir si Stetson a réussi à relever le sien. Maintenant passer à la dernière rubrique de ce podcast. Maintenant qu'on a bien travaillé, qu'on a bien débattu, je crois que le débat était très intense, intéressant. Une petite rubrique légère pour terminer. Donc légère comme Stetson. Très légère. Donc, dans le dernier podcast, dans le dernier BGS, on s'est lancé un défi. Enfin, on a eu l'idée, de lancer des défis. Donc le principe, c'est qu'on propose à des autres protagonistes de regarder quelque chose que nous on aime et qu'il n'a pas spécialement l'habitude de regarder ou que à première vue il n'apprécie pas spécialement. Ouais. Et on lui donne pour défi de regarder, lire, jouer, écouter, peu importe cette chose, et après de nous faire un petit retour. Ouais. Donc dans le dernier numéro, j'avais proposé à Stetson de regarder un animé de Satoshi Kon, enfin qui est réalisé par Satoshi Kon, il n'était pas tout seul, qui s'appelle Paranoia Agent. Yes. Donc je lui ai confié les épisodes. En légal, bien sûr, parce que j'ai les DVD. Hein, c'est un cousin japonais. Hein. Voilà. En Betamax. C'est sorti en DVD en Europe. Hein, d'accord. Non, mais tu m'as passé les Betamax. En VO, oui. C'est sorti en VF, moi je t'ai passé un peu. Enfin, soit, bref, je lui ai passé les épisodes. Et donc, on va vérifier maintenant si Stetson a eu le courage de regarder les épisodes et surtout ce qu'il en a pensé. Et s'il émet un avis constructif qu'il a réellement tenté le coup, je lui accorderai le droit de lancer un défi à Chauve ou à moi, peu importe. À Chauve. Mon avis, ce sera à Chauve, oui. Je pense qu'il nous a un peu spoilé avant l'émission et que le défi sera pour Chauve. Là, Stetson, donc Paranoia Agent. Donc j'ai regardé. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as 6 épisodes. 5. Attends. Je peux te dire le dernier que j'ai vu, si tu te rappelles, mais ça fait très longtemps que je les ai vus. Je crois que c'est 6, mais bon. Bah 6 sur 13, c'est déjà un bon début. Essaye de. Je vais vérifier si tu les as vus. Essaye, grosso modo, de nous résumer l'histoire et ce que tu en as pensé. Bon, donc au début, ça... enfin, l'histoire du début des je dirais 3-4 premiers épisodes, c'est le fait qu'un jeune attaque des gens avec une batte sur des rollers. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Ça a l'air un petit peu... on ne sait pas exactement s'il est réel ou pas. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris. Tout à fait. Parce que la première femme qui est agressée, la première... ne sait pas... Enfin, comment... dit qu'elle a été agressée et voit des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Et malgré tout, tous les gens qui mènent l'enquête là-dessus se font agresser eux-mêmes. Ouais. On ne sait pas trop. C'est effectivement ça. Alors, je trouve que... ça part après un petit peu... Les deux premiers épisodes sont assez logiques parce que ça parle de... Il y a une liaison assez forte entre eux vu que c'est un détective privé qui enquête sur... Ou un policier, je n'ai pas bien compris. Je crois qu'il est policier, mais oui. Qui enquête sur son attaque, qui se fait attaquer lui-même. Et puis après, il y a toute l'histoire sur le jeune qui est censé être cette personne-là, la star de son école, quoi. Et puis après, alors là, par contre, on a les deux. Non. C'est ce que je vais lui faire subir si tu m'accordes. Je vérifiais si Stetson, parce qu'il a ouvert une page Wikipédia, et je vérifiais s'il avait ouvert celle de l'animé pour nous faire croire qu'il avait vu. Mais ce n'est pas le cas. Dans les derniers épisodes que j'ai vus, je pense que c'est un petit peu dans son imaginaire, il est en train de se faire interroger. Enfin, quelqu'un est en train de se faire interroger dans le commissariat de police, et on le voit un petit peu, je dirais, un petit peu dans un style chevalier du Zodiac où il est en armure et. Son idée, c'est de combattre des monstres, quoi. Qui combat des monstres, en fait, quand il attaque des gens dans la rue. Alors, ce que j'en ai... Ça, c'est... Voilà. Est-ce que t'es d'accord que j'ai regardé... Pour le moment, je pense l'impression que tu as regardé. Tu n'as pas... Je suis pas sûr que t'aies compris tout. Non, je ne dis pas que j'ai compris mais de toute façon. Mais je pense que tu as regardé, oui. Dans les défauts, bah... Allez, commence par les défauts, c'est mauvais signe. Oui, parce que ça m'a pas spécialement plu. J'essaierai de finir, sincèrement, déjà pour comprendre... voir si je comprends mieux. J'aime pas spécialement le style de l'animation et en plus j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit qu'il était super bien noté donc si j'aime pas ça, il y a peu de chances que j'aime d'autres animés. Je pense que c'est super bien noté parce que c'est Satoshi Kon et j'ai voulu faire regarder une série mais je préfère quand même ses films. Mais bon, c'est mon avis personnel. Les dialogues, mais je sais pas si c'est dû aux sous-titres qui sont peut-être pas super bien faits. Je trouve qu'il y a des moments où c'est fort enfantin. Ils te prennent pour un con, quoi. Mais c'est peut-être dû au sous-titre, hein. Peut-être que... Pas sûr. Enfin, il y a parfois cet aspect-là dans les animés japonais, malheureusement. Il y a des côtés... T'as l'air vraiment que c'est pour des adolescents avec des gros plans dans les douches. Alors qu'à côté de ça, il y a quand même l'air d'avoir une histoire intéressante derrière. Mais ça me retire à chaque fois de la série parce que je me dis, mais ils te prennent pour un con, quoi. Ouais, cet aspect plus production qui essaie de vendre un public plus large... qui vient entacher ce que le créateur a voulu réellement. Je sais pas si c'est courant ou pas. Avant de regarder ça, j'avais regardé Dragon Ball et tout ça quand j'étais jeune sur le club Dorothée, mais j'ai jamais regardé d'animé en VO. Dans les côtés positifs, je dirais juste que l'histoire derrière l'arc principal est intéressante, ce qui me donne envie de finir la série. Donc c'est qu'il est suffisamment intéressant. C'est déjà un bon point si ça donne envie d'aller plus loin. Surtout, il me donne envie d'aller plus loin alors que je n'apprécie pas spécialement le design et les sous-titres parce que je peux pas vraiment dire le dialogue. Donc je comprends pas du tout. Oui, donc c'est pas en anglais donc. Donc voilà. Je sais pas si t'as une question. Non, mais je pense que tu as relevé le défi, t'as essayé de regarder. En plus, t'as envie d'aller plus loin donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si je m'étais arrêté au deuxième, je dis pas que j'aurais fini, mais vu que je suis au sixième, reste la moitié, c'est vite fait entre guillemets. Je vais dire une chose quand même, c'est que j'ai choisi une série pour dire de faire un défi qui avait l'air d'avoir plus d'ampleur qu'un film. Mais à la base, j'adore Satoshi Kon, et si je peux te conseiller un truc, justement, parce que pour éliminer cet aspect qui est autour un peu, comme tu dis, style enfantin avec certains effets de style, pas spécialement enfantin, mais adolescent. Quoi. Non, mais voilà, des côtés un peu pour appâter du public autour de ça, alors que le fond est bien. Mais pour ne garder que le fond, je te conseillerais quand même les films de Satoshi Kon. Ne regardez Paprika ou Perfect Blue, qui, justement, en étant en format plus réduit et cinéma, doivent moins plaire à un public large de télévision et sont beaucoup plus axés sur le style de fond que tu as aimé là-dedans. Donc je pense que tu aimeras mieux, effectivement. C'est possible. Là, j'ai pris l'aspect série pour essayer de te faire regarder quelque chose que ouais, mais y a pas tu de... pourrais suivre en long terme. Mais voilà, avec la conclusion que j'arrive, c'est que tu aimeras les films de Satoshi Kon. Il y a le côté que j'aime pas spécialement de l'animation facile. Alors que pourtant, j'ai lu des critiques et ils disent que c'est pas mal fait pour une série. Cara design, moi, je le trouve pas mal. Franchement, je trouve que c'est un peu lent, en fait. À certains moments, leurs animations faciales sont un peu lentes par rapport à... Moi, quand je regarde des dessins animés, c'est Futurama, les Simpsons. Ouais, le style américain qui est plus... Ouais. Ouais. Différent, quoi. Moi, je préfère ça. Mais... Bah, l'animation japonaise a été décriée beaucoup d'années à cause de ça, notamment comparé à Disney, mais bon. C'est un long débat dont on reviendra peut-être... Mais ça, c'est dans les défauts, quoi. Pour moi, en tout cas. Bah, moi, bon, personnellement, je suis satisfait. Je trouve que Stetson a relevé son défi. Donc, on l'applaudit. Tu vas faire exploser les oreilles de nos auditeurs, Newton. Donc, il a relevé le défi. Donc, bah, il a le droit de proposer un défi à soit Cho, soit moi. Et je crois avoir entendu. Pour qui voilà. Vraiment ah non, moi, j'ai aucune idée. Là, je vais faire pile ou face. Est-ce que tu aurais pas une pièce? C'est bon, ça va, on voit. Donc, vu que tu critiques toujours tout ce qui s'approche de la Real TV... Ça sent à peine le truc programmé. Ah, mais tu... Donc, moi, j'aime... On a dit pas de truc dégueulasse, quoi. Non, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc, ça s'appelle Deadliest Catch. Ouais. Toi, tu sais ce que c'est, peut-être? Excusez-moi, mais je veux pas m'empêcher. Continue. T'es pas obligé de regarder la première saison, hein. Tu peux regarder, genre, la dernière saison. Parlé, c'est ouais. Tu n'es pas obligé de quoi? De regarder dès la première, tu peux regarder la dernière, ouais. Si tu veux. Explique peut-être pour nos auditeurs de quoi donc, il s'agit, comme ça. Attention, je sens qu'on va se moquer de moi, mais c'est très très bien fait. C'est, ça parle de la vie de bateaux, qui sont des pêcheurs de, enfin des bateaux pêcheurs de crabes, oh, putain, ouais. Dans la mer de Bering, en Alaska. Combien d'épisodes par saison? Une grosse dizaine. Pardon? Mais t'es pas obligé de regarder. Voilà. Tu regardes, peux regarder 3-4 épisodes. Il y avait 13 si épisodes. Pas, lui, il y avait 13 épisodes, il a regardé 6. J'étais ouais. Satisfait, il a au moins essayé. Donc le but des je te fais, défis, mais c'est essaye au moins 2 ou 3. Quoi. Tu fournis. Si tu veux, je te les enverrai. Bien entendu. Hein, mais là, je les ai pas là. Ah, bah, c'est bon, déjà. Je contacterai mon cousin en Alaska. Non, mais voilà. Et c'est vrai que le but des défis, c'est vraiment de dire d'essayer, au moins essayer. Là, je sais qu'il a essayé, qu'il a envie de voir certaines choses plus loin, qu'il y a certaines choses qui lui ont plu, d'autres pas. Donc, il a mis un avis et voilà, il a au moins essayé, quoi. Il a le mérite. Ça je te paraît pas bien du tout. Que par plaisir de pouvoir retaper un défi à quelqu'un d'autre après. Ça ne te plaît pas du tout, mais si ça se trouve, tu vas bien aimer. Hein. C'est un genre de documentaire, peut-être, quoi. Peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai qu'il t'a pas choisi le pire quand même. T'aurais pu prendre des Real TV un peu plus. Ah, mais le but c'est pas d'avoir un truc qu'il non, déteste, en fait, c'est d'avoir un truc qu'il moi, a peut-être moi, une chance d'aimer. Moi, quand je j'ai pris une animation qui était plaisante, j'ai pas pris un truc. Que si franchement, si c'était juste pour te faire chier, il y a bien pire que je pourrais te faire regarder. Hein. Voilà. Donc là, le but c'est que but, peut-être tu vas apprécier. Et si t'apprécies. Il y a 7 saisons en plus. Ouais, choisis la saison que tu veux. Hein. Moi, je commence au début. Bah, le problème du début c'est que, à mon avis. Moi, je ne me rappelle plus exactement du début, mais à mon avis, niveau image, tu vois, c'était... Il fallait que les caméras... Conseille-lui peut-être une saison, comme ça sera peut-être plus simple. Hein. Bah, la dernière est très bien. Le problème de la dernière, c'est qu'il y a eu un des capitaines des bateaux, c'est les mêmes bateaux qui reviennent à chaque saison, qui est mort. Donc, tu ne vas peut-être pas forcément comprendre pourquoi il parle de lui au début de la saison 7. Ah, quoi. Tu choisiras une saison, tu lui conseilleras. Ouais. Bah, la 5, par exemple, tu pourrais... Donc, rappelle peut-être juste le titre pour nos auditeurs. Deadliest Catch. Ouais, si vous voulez aller voir, faites petite recherche Google, vous verrez de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Et donc, Chauve, ta mission, si tu l'acceptes, tu dois l'accepter si tu le proposes à quelqu'un d'autre, effectivement. Mm-hmm. Pour la prochaine émission, ce sera de regarder quelques épisodes et de te forger un avis et de nous en dire un peu plus au prochain BGS. C'est vrai. Voilà, mission acceptée, mission validée. Je voudrais faire un jingle, tiens. Mission validée. Avec un bruit de tampon, je ne sais pas. Merci. Bref. On va conclure ici, hein. Je pense qu'on est bon là, on arrive au terme de cette émission. Je vais commencer la conclusion pour faire un petit tour de table. Bon non, je vais te laisser quand même la parole à toi. Hein. Chauve, conclusion de cette émission, que merde. Tu vas dire... non mais une petite conclusion, qu'as-tu pensé de cette émission, nouvelle formule Plus... Bah, j'espère plus que direct, ça va plaire. Plus... Bon. Moins délire entre nous. Ouais, ouais. Un peu plus sérieux, mais détendu. Mm-hmm. Donc, tout en gardant le côté détendu, en pouvant dire ce qu'on veut. Si on a envie de dire merde, on le dit, la preuve. Hein. Vous dire pute, chat, bite. Oui, ça va, ça, tu vas pas nous faire tout le dictionnaire enfant non plus. 4 ans, petit un peu. Donc oui, voilà, on verra les retours. J'espère seront positifs. Ouais, moi je pense que c'est bien. C'est mieux, c'est plus structuré. N'est-ce pas? Et en plus, ça laisse quand même de la place à au débat, aux discussions, donc c'est fort à la gaudriole. Newton, pour ta première émission en tant qu'invité, qu'en as-tu pensé? Je trouve ça... Il aime bien l'alcool. Voilà. Je crois que Newton aime bien l'alcool parce que il arrive... Il aime bien l'alcool, je trouve... Moi, je vois ça d'un point de vue acteur. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça me sensibilise à certaines choses auxquelles je ne suis pas confronté habituellement. Et je serais même tenté de jeter un coup d'œil aux séries en question, là. Que vous êtes dans les défis? Bah oui, ça m'intéresse. Moi, à ta place, je regarderais Breaking Bad en priorité. Si tu devais en regarder une qu'on a parlé aujourd'hui. Si je dois regarder une série qu'on a parlé aujourd'hui, Breaking Bad, clairement. Je te conseille. Donc, bref, tu vas en revenir. Donc, constructif. Parfait, Stetson. Très bien. Un mot de finale, qu'as-tu pensé de cette nouvelle formule? Bah, comme j'ai dit, ça fait moins délire, c'est un petit peu plus structuré, c'est à mon avis plus sympathique à écouter pour. J'espère. On l'a un petit peu calmé au début, comme ça il ne sort pas les blagues pédophiles dès le début. Montes, mais on a calmé Chauve. Mais ils savent bien de qui je parle. Je me suis calmé aujourd'hui, mais attendez. Mais nos nouveaux éditeurs ne savent peut-être pas. Parce qu'on lance la saison 2, donc... mais attendez. Attendez de voir. Je suis pas mort. Chauve reviendra. Je reviendrai. Ben, pour ma part, belle émission. J'ai trouvé assez intéressante. J'ai trouvé bien posée, avec un rythme... bien calé, ça ne durera pas une éternité comme les précédentes, donc c'est plus abordable, moins de privé de jeu, comme on disait. Et voilà, des news intéressantes qui parlent, et un débat qui, à mon avis, va pouvoir faire parler les gens, j'espère. Donc voilà, si vous avez, donc pour nous écouter tout d'abord, n'hésitez pas à venir sur le site bipod.be, qui est le site qui référence tous nos podcasts, toutes nos créations, donc vous pouvez écouter notamment Télécom, qu'on fait toutes les 2 semaines, bientôt des reportages, enfin, plein de choses, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Personnellement, je suis aussi contactable et disponible sur petitefilleenfleurs.com. Tais-toi, bon, je ferai un bip à ce moment-là. Grand requin donc blanc si... 85. Chauve, s'il te plaît. Pardon. Il fallait qu'il attende la fin d'émission, mais il ne peut pas s'en empêcher. Et donc, bref, de nouveaux projets arriveront bientôt sur Bipod, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à venir nous découvrir. Il y a d'autres podcasts plus sérieux. Ici, on est vraiment dans le podcast où on se lâche, mais il y a des choses un petit peu plus structurées et sérieuses. Moi, je suis retenu, personnellement. Ce coup-ci, oui, il faut l'avouer. Et n'hésitez pas surtout à venir laisser des commentaires. Je l'intimide. Si vous avez bien aimé notre voilà. sujet, le sujet de Kirby sur Google Plus, ben venez non, écouter Télécom. Pas que ça, mais par exemple, oui, voilà, exactement. On a fait une émission spéciale, n'hésitez pas. Mais si vous avez aimé notamment le débat, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire, même à nous lâcher si vous trouvez qu'on a été abominable, qu'on n'a pas du tout compris ce que c'était un geek. N'hésitez pas. Venez, dites-nous ce que vous en avez pensé, on vous répondra avec grand plaisir. Ouais, ben je crois que c'était le mot de la fin, donc sur ce, on va vous laisser ici. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Vaquer. Et on vous dit alors à dans un mois pour le prochain numéro. Ciao à tous. Salut. Salut.